semaine, 17h à Montréal, en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré du juteux Fred Savard. Bonsoir. Du généreux Olivier Niquet. Salut. Du différent Jean-Sébastien Girard. Bonjour. De notre invité d'honneur, le très masculin Francesco Nuovo. Bon, très masculin. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore... Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens à la maison, bonsoir les gens au Elm en direct à Montréal sur la rue Bernard. Oui. Une belle journée à Montréal d'ailleurs, Fred. Tu vas nous faire la météo tout à l'heure. Oui, mais c'est pas une super journée quand même. Ah non? Pour la météo, non. Ça ne nous dérange pas. Volez-nous pas de punch, non, non. Les gens sont pas au courant. À quel beau programme on a pour vous cette semaine. Vous savez le beau cadeau qu'on vous fait? On va vous offrir pendant toute l'émission Franco Nuovo, qui est avec nous, quand même. C'est pas rien, hein? Tu crois? Il se lève pas à 6h, eux. Hein? Ah non, non, je note qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le public ce soir que d'habitude. Et ça, d'accord. Je pense que c'est vous. C'est notre Italien préféré, hein? Oui. C'est, en fait, oui. C'est le seul. Non? Attendez, Canada? Vous êtes notre Italien sans casier judiciaire préféré. OK. Voilà. Et vous savez qu'en tant qu'invité d'honneur, Franco, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Mais autour j'ai déjà de la table. Failli, hein, par exemple. Avoir un casier judiciaire? Ah ouais, mais je vous raconterai ça. Ben non, mais allez-y, c'est pas comme si on avait... Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de pas correct dans votre vie, vous? Moi, j'en ai fait quelques-unes, mais par contre, par exemple, j'ai conduit en état d'ébriété et j'ai eu la chance de me faire arrêter un jour. Ah, ah oui, c'est vrai? Ben, je le dis parce que c'est pas un secret. Ah, OK, d'accord. Ben, on était trop jeunes. Mais vous étiez pas né. Probablement pas. Vous conduisez sous depuis très longtemps, Franco. Je disais qu'en tant qu'invité d'honneur... J'ai même dissocié du dernier échange en passant. C'est pas quand même un enfant, moi. Vous êtes associé de très peu de choses. Ouais. En tant qu'invité d'honneur, vous avez les mêmes droits, Franco, que tout le monde autour de la table, c'est-à-dire que vous avez le droit d'intervenir à tout moment, de donner votre opinion n'importe quand et de poser des questions aux invités et surtout d'insulter chacun des membres de l'équipe parce que c'est ce qu'on fait très bien ici. Hein. D'ailleurs, avez-vous une insulte à quelqu'un? Ben, c'est Olivier, j'ai hâte d'entendre sa voix. Ouais. Ça s'en vient. Ça, c'est l'insulte commune vers Olivier. Sinon, pendant l'émission, on va recevoir Sylvie Payette, Louise Deschâtelet et Isabelle Cyr pour notre spécial Chambre en ville. Ah, c'est pas beau, ça, ou c'est bon? Pas mal, hein? J'ai réécouté 4 épisodes de Chambre en ville hier. Oui, tout à fait. On s'en parle plus tard. En deuxième heure... T'as compris? Ben oui, j'ai compris. Je veux dire, c'est... Non, mais tu m'as dit que je pouvais intervenir. Ah oui, non, mais... Sujet, verbe, complément, c'est assez facile. En deuxième heure, on va voir Fabien Cloutier pour sa nouvelle pièce de théâtre. Ouais. Oui, je ne sais pas s'il est arrivé. On a très hâte de lui parler. Et on aura vu ou pas l'excellente pièce Being at Home with Claude que j'ai vue hier au TNM. Et ce sera Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquette qui auront vu ou pas cette pièce. Ouais. On a très, très hâte. Sinon, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Franco, vous avez fait quoi, vous? À part, je suis allé au théâtre. Ah, aussi? Je suis allé voir Being at Home with Claude. Mon Dieu, qu'on est préparé, hein? Mmh. J'étais le seul hétéro ce soir. Ça vous... Ben bon, ben moi, c'est... C'est quoi, Jean-Sébastien, cette tête? C'est vrai? Un regard de mépris, Franco. De mépris? Olivier, vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Ben moi, ce qui m'a marqué cette semaine, en fait, c'est la vidéo de Cathy Gauthier sur sa page Facebook où elle entre dans un sex shop et fait un commentaire comico-cochon sur chacun des produits offerts. Est-ce que ça a déjà été fait, ça? Je pense pas. C'est, ce qui m'étonne, et Franco est là dans votre série des grandes entrevues là, d'humoriste. J'étais avec Cathy. Elle avait pas dit qu'elle voulait se dissocier, justement, de ce type d'humour un peu vulgaire, les pâquerettes. Oui, elle a dit ça. Ah, ouais, elle a exactement c'est dit ça. C'est pas dans la bonne direction. Ça a quand même été partagé 29 000 fois sur Facebook. Ça, c'est 29 000 fois plus que nos publications sur Facebook. Non, j'avoue. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Faudrait que je commence à les partager, moi aussi. Prêt à voir? Moi, j'étais allé au théâtre, oui, et j'étais allé voir un spectacle. Et là, je sais pas si c'est un nouveau concept. Moi, je vieillis de plus en plus. J'étais allé voir un spectacle de rock. Vous êtes le seul. J'étais allé voir Jimmy Hunt. Ah! Dans le cadre de Pop Montréal, qui est un festival, je crois, très fréquenté par les hipsters. Et il y avait, et c'est un nouveau concept, je pense. Il n'y avait pas de scène. Alors, on n'a pas vu l'artiste du spectacle. C'était, il était au même niveau que nous. Alors, il y a la rangée d'en avant qui a vu. Et je pense que c'était une façon ironique de faire un spectacle. Et je suis parti ironiquement après 2 chansons parce que j'étais pas content. C'est pour vrai, vous êtes parti, vous avez quitté. Ben, on vend des billets. J'achète un billet pour voir un artiste, pas seulement pour l'entendre. Sinon, on va rester chez nous, on va faire l'album. Vous avez quitté en même temps que Sophie Lorrain? Non, elle était pas là ce soir-là. Elle quittait quelque part ailleurs. D'accord. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Ben, moi aussi, je suis allé au théâtre. Je suis allé voir Being at Home with Claude cette semaine avec un ami homosexuel. Sinon, ben, comme d'habitude, j'ai lu mes journaux à potin. Et ouais. grande surprise, moi dans si. Le Éco-Vedette, vous avez vu ça, Franco, page 8. Quoi? J'ai lu que votre blonde vous a eu à l'usure. Elle est enceinte de vous, Jean-Philippe. Ah, alors, bravo. Vous aurez bientôt un petit enfant. C'est pas encore de, c'est pas encore assuré que ça soit de moi, hein? Non? Non, ben j'attends la confirmation. Bon, voilà. OK, voilà. Sinon, Jean-Philippe, si jamais ouais. vous êtes le père, vous risquez de devenir extrêmement... vous devenez probablement extrêmement désagréable au bureau. Alors, j'ai pensé vous aider un peu à vous faire une liste des 5 choses que vous ferez jamais avec nous, vos collègues de travail, au bureau. Alors, tout d'abord, Jean-Philippe, ouais. vous allez arrêter de faire comme hier après-midi, c'est-à-dire passer toute la réunion de production à tester sur nous les maudits non-lettres que vous voulez donner à votre bébé. Histoire vraie. Ouais. Puis d'ailleurs, vous allez commencer par lui donner un vrai nom, ouais. Jean-Philippe. Ouais, ouais. Des Albin, des Théodore, des Sidney et des Miles, c'est non, Jean-Philippe. Non. Si vous voulez, vous et votre épouse, absolument... Juste... Exprimez votre créativité, faites du tricot, du scrapbooking, mais c'est pas de la faute de ce petit enfant-là. juste me dissocier complètement du nom Miles. C'est pas j'espère! Tout vrai, Miles! Mais non. Et votre épouse nous disait, oui, mais Miles, c'était un grand homme. Comme j'ai répondu, Thérèse Casgrain, c'était une grande femme, vous allez pas l'appeler Thérèse pour autant. OK. Deuxièmement. Oui, allez-y. Vous allez cesser dès maintenant de vous promener avec la photo d'échographie de votre blonde dans les corridors de Radio-Canada. Il n'y a rien qui ressemble plus à une échographie qu'une autre échographie. Puis quand on est dans le jus, on n'a pas envie d'entendre « Mon Dieu, on dirait que c'est un petit pénis. Pensez-vous que c'est un petit pénis? » Jean-Philippe, troisièmement, plus jamais vous allez nous faire entendre l'enregistrement du battement de cœur de votre bébé sur votre nouvel iPhone 6. Parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on a cessé d'avoir le peu de respect qu'on avait pour vous. Quatrièmement... À ce moment-là, j'ai quitté avec Sophie Lorraine. Quatrièmement, très important, quand votre bébé va être né, ouais. vous n'allez pas prendre une demi-journée de travail pour venir nous le présenter au bureau. Ça rend toujours tout le monde mal à l'aise. Ça nous fait perdre notre temps. Il faut invariablement qu'on dise « Oh, la petite puce, le vrai portrait de son père, il est donc bien cute! » De toute façon, ça va être faux, parce que dans la première année, votre bébé, il sera pas encore beau, Jean-Philippe. Et cinquièmement, plus okay. tard, ouais. vous allez comprendre, et ça, c'est peut-être le plus important, que quand votre enfant va être plus vieux, ouais. quand il y aura des journées pédagogiques, le bureau ne se transforme pas en garderie. Ah ben ça, dites-le à Fred, hein? Ouais, franchement. Vous allez, ben Jean-Philippe, vous trouvez une gardienne, parce qu'on veut pas faire semblant qu'il nous dérange pas pendant qu'on travaille, parce que je veux pas entendre des bruits de Facebook pendant que je me concentre sur mon Facebook, et surtout... Surtout, Jean-Philippe, je veux pas faire semblant que ça me tente de lui prêter mes marqueurs pour qu'il me fasse un dessin de princesse-lette que je vais crier sur le vidange quand il va partir. Mais seulement, Jean-Philippe, si vous respectez tout ça, ouais. je souhaite la bienvenue à ce petit poupon que j'aime déjà tendrement. Vous êtes une des personnes les plus sans cœur que j'ai rencontrées de ma vie. Vous êtes frais. Et pourtant, je vous aime quand même. Olivier, rapidement, rappelez-nous toutes les adresses où les gens peuvent se plaindre de Jean-Sébastien. Ben, on se trouve en ce moment à la microbrasserie Elmo 273 Bernard Ouest à Montréal. Et pour assister à l'émission, réservez votre place sur notre site radio-canada.ca/la-soirée. Mm-hmm. On est aussi sur twitter.com/la-soirée, facebook.com/la-soirée est encore jeune. Et vous nous écrivez à la-soirée@radio-canada.ca si vous avez des questions ou des commentaires. Et la question du jour, on apprenait hier que Nicolas Sarkozy allait faire un retour en politique. Oui. Et je me suis demandé si ça pouvait pas inspirer des politiciens de chez nous. Alors la question, quel politicien à part Jean Charest n'aimeriez-vous pas voir faire un retour en politique? Oh, ça va susciter de bonnes réponses. Merci beaucoup, Olivier. Ça me fait plaisir. Et vous n'oubliez pas de nous écrire, évidemment, pour la météo et pour la circulation. La circulation surtout, oui. Et des questions pour nos invités de ce soir. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Fred Savard? Oui. Le Gino Chouinard de sa génération. Bon, ça me sent pire de semaine en semaine. Ben, j'ai fait Bernard de Rome, ben, Stéphane Bureau, je suis rendu au bout là. Ben, c'est ça, je suis. Tu sais que les députés péquistes sont revenus le caquet assez bas d'Écosse cette semaine. Eh, hein? Hey, boy, oui, la délégation péquiste a d'ailleurs croisé une délégation fédéraliste canadienne à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau en route, elle, vers l'Écosse. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire là? Mais ils sont allés voir comment le gouvernement britannique ne respectera pas ses belles promesses d'ouverture et d'accommodement vers l'Écosse. Ah, mon Dieu! Que de belles leçons à retenir, ouais. Et de l'argent gaspillé. Ben oui. Parlant d'argent gaspillé. Ça a tout fait ça très bien. Oui. Il y a Philippe Couillard, hein, qui en a assez des fuites médiatiques de ses fonctionnaires. Oui, il a confié aux journalistes, ça lui tentait de leur parler ce matin-là, que le problème allait bientôt se régler puisque le gouvernement allait calisser dehors tous les fonctionnaires. Alors, pas de fonctionnaires, pas de fuites. Et pas de fuite, maman est contente. Voilà. Le ministre de la Santé, Guitain Barrette, n'a pas été tendre envers les médecins spécialistes. Oui, mais c'est que les médecins spécialistes refusent toujours de se laisser intimider par la loi spéciale que le ministre évoque afin de les obliger à étaler sur plusieurs années la hausse qui leur a été consentie alors que c'était Guitain Barrette qui était président de leur ordre. C'est pas simple. Hein? Non, alors pour aider les gens à comprendre, là, imaginez un pompier qui allume des feux puis qui intimide les feux après parce que les feux veulent pas s'éteindre. Pensez à ça. Ouais, c'est pas plus clair. Non. Il y a des lecteurs de la presse qui n'ont pas apprécié le public reportage dédié au chef des Rock Machines dans les pages du journal mardi dernier. J'en suis un. Oui, effectivement, l'article n'a pas plu à ceux qui estiment qu'on donne trop de visibilité à des criminels. Mais d'un autre côté, c'est quand même un vent de fraîcheur par rapport aux articles sur les libéraux et la commission Charbonneau. Et il paraît que le chef des Rock Machines sera possiblement personnalité de la semaine demain dans la presse. Ah oui? Oui. Est-ce qu'elle va être assez pas trop tôt lundi matin? Non, ils font plus ça. Les étudiants universitaires québécois aussi, on a appris ça, sont de très, très, très, très mauvais payeurs. Ah oui, on apprenait que les mauvaises créances des étudiants envers les universités québécoises se chiffrent à 25 millions depuis 10 ans. Les raisons sont multiples, mais sans lire l'article, on présume qu'ils sont probablement paresseux et malhonnêtes. Et on rappelle que les 25 millions de dollars représentent quand même 1 388 000 pichets de sangria. Sur Bernard. Non, sur Bernard, c'est un peu plus cher. C'est 1 228 000. Ah, voilà. Ah ben Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. La météo. Parlant de vent de fraîcheur. On s'habitue pas. Dites-moi tout. Est-ce qu'il fait beau, Fred? Moyen, mais là, je veux pas inquiéter personne, mais le mois d'août a été, en 2014, a été le mois le plus chaud sur la planète depuis le début des relevés de température en 1880. Et je me rappelle plus qu'en en 1880, il faisait chaud en tabarouette. Il faisait extrêmement chaud. Beaucoup de gens étaient en bédaine à l'époque. C'est pas parce que la chemise n'était pas inventée. Non, c'était terrible. Alors, c'est le 38e mois d'août consécutif durant lequel la température globale terrestre a été au-dessus de la moyenne du 20e siècle. La dernière fois que la température du mois d'août était en bas de la moyenne de l'année, c'était en 76. Et là, on fait attention pour les conclusions. Là. Ça veut pas dire qu'il y a un réchauffement climatique. Ah, okay. Beaucoup plus complexe que ça. Ah, OK, d'accord. Paraît-il. Et sinon, il fait quand même 3 degrés à Iqaluit. Et je pense que d'ici la fin de l'émission, il devrait faire zéro. Ça va être notre premier zéro de l'année, je pense. Ah, mon Dieu! Est-ce qu'on va vivre sans direct? On salue les gens d'Iqaluit et on leur dit, lâchez pas, travaillez fort. Ben, génial. J'espère qu'on va vivre sans direct et ensemble. Et on invite merci. Les gens à nous écrire pour la circulation, pour nous indiquer si jamais il y a des bouchons, pour qu'on puisse avertir les gens de ne pas les prendre. Et sur la rue Bernard, présentement, c'est il encore pleut. Bloqué, mais la lumière est rouge. Mais il pleut. Il pleut. Aussi, ouais. C'est terrible, ce qu'on vit. D'ailleurs, mettons donc un peu de soleil dans cette heure de radio. Nos premières invitées de la soirée, Fred. En plus d'avoir été confidente et comtesse, c'est surtout dans son rôle de Louise dans Chambreville qu'elle a marqué une génération de téléspectateurs. Accueillons Madame Louise Deschâtelet. Elle a déjà été la blonde de Grégory Charles dans Chambreville. On compatit pour elle. Accueillons la comédienne Isabelle Cyr. Et c'est sous sa plume que les personnages de Chambreville ont marqué l'imaginaire télévisuel québécois. Voici Madame Sylvie Payette. Ah, quel bonheur! Mesdames, bienvenue à la soirée T'es encore jeune. Mais c'est un grand bonheur de vous recevoir toutes les trois. Vous savez, ça fait presque 20 ans, après le dernier épisode de Chambre en ville. Est-ce que t'étais née? Ben oui, c'est la franchement. Lui poser. Oui. Attendez un peu, là. Okay. Là, j'ai 34 ans, presque 35. Oh. J'ai pas écouté la première saison. Je pensais pas, c'est correct, là. J'étais pas dedans. Ben non, je le sais. Je le sais, je l'ai écouté et j'étais bien déçu d'ailleurs. C'est bien, vous pouvez vous reprendre. C'est ça. Ben oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait hier. On peut se donner une date puis la regarder ensemble. Est-ce que... Oh. Ah, mais moi, je serais assez ouvert. Il va être papa, là. Mais c'est pas grave. Puis elle vient de se marier. Moi, je serais pas papa avant 4 mois, fait que j'ai du temps, là, franco, là. Jean-Philippe, il paraît, j'ai lu des chiffres que c'est dans la première année qui suit l'accouchement de la femme, généralement, que les hommes sont le plus infidèles dans leur vie. Ah, c'est vrai? C'est une vraie statistique que j'ai lue. Ben, c'est extraordinaire. Alors, okay, j'ai toute mon année, moi. La semaine prochaine, Pardon, je pense que c'est pire que ça. C'est pas dans la première année. Je pense que c'est même dans les 72 heures. On est dégueulasse. Ah. Vous qui avez un enfant, Jean-Sébastien. C'est naturel, je pense. Pardon? Vous qui avez un enfant, Jean-Sébastien. Non, moi, c'était correct à ce niveau-là. OK, d'accord. Oui, mais c'est parce que c'est vous qui répondez. Là. Mais si on allait dans le tréfonds de votre vie... Là... Oui. Oh, j'ai une vie bien plate, loulou. Pas sûr. Est-ce qu'on peut parler de Chambre en ville? Si vous voulez. D'accord. Ben, non, mais je vous le dis parce que j'ai écouté 2 épisodes de la première saison hier et 2 épisodes de la dernière saison, donc la 7e saison. Il y a eu une évolution. Oui, je tout un choc, ouais, c'est oui. sûr. Ben, y a des gens qui ont appris à jouer. J'y vais comme ça. Non, mais j'avais l'impression que c'était une école aussi pour les comédiens. Est-ce que je me trompe? Parce que Louise Deschâtelet, vous avez vraiment l'air d'être la seule vraie comédienne d'expérience dans cette série. Là, je n'oserais pas confirmer ce que vous dites actuellement, sauf qu'effectivement, il y en avait plusieurs pour qui c'était les premières expériences à la télévision. Oui. Alors, c'est évident que ça prend quelques épisodes avant d'être totalement impliqué dans le rôle puis totalement à l'aise. Mais il y en avait plusieurs aussi qui avaient une certaine expérience. Oui, il y avait les deux, parce qu'il y avait certains comédiens qui avaient un peu d'expérience ou qui sortaient d'école, oui. qui avaient quand même une formation, mais peu d'expérience télé. C'est normal. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de jeunes qui ont fait soit des films, soit des pubs. Ouais, ouais. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait très, très peu de jeunes qui faisaient de la télé. Donc, oui, la plupart étaient à leurs premières armes. Et ça paraît. Mais il y a autre chose aussi dans la première année. D'abord, c'est la première fois que j'écrivais, moi, au complet, parce que ce que j'avais fait avant, c'est de la collaboration en scénarisation. Donc, moi aussi, je faisais mes premières armes. Ouais. Donc, on était tous une gang de débutants. Ça paraît. Et puis, la mode était définitivement pas de notre bord cette année-là. C'est terrible. C'était le fluo. Ça, c'est assez laid. Mais ça revient. Moi, ça revient. Des pantalons que j'ai vus dans Chambre en ville que je vois ici sur le My Line régulièrement. Oui, peut-être. Avec des gens avec des barbes. Écoutez, vous commencez le premier épisode. Mais tout revient à la mode. Ben, oui, mais tout à fait. Vous commencez la première saison, Louise Deschâtelet, avec des jeans d'une hauteur. Ça ne me surprendrait pas qu'elles atteignaient vos épaules. Il devait y avoir des bonnes épaulettes météo, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est comme la météo depuis 78. On n'a jamais revu ça depuis. Non, c'est ça. Exactement. Toujours est-il que, effectivement, ça a évolué en 7 ans, mais c'est vraiment fascinant de voir des gens comme, par exemple, Grégory Charles dans la première saison. Il n'a pas changé, lui. Non, à part 50 livres, mais vraiment... Mais 50 livres! Ouais. Et ça paraît beaucoup, parce qu'il était gros comme une snelle. Oui, mais d'ailleurs, il y avait des bretelles à cette époque. Oui. Mais ça n'avait pas de bon sens, quand même, de voir éclore. C'était une école pour plein de comédiens, et c'était vraiment fascinant de voir les problèmes de l'époque comparés avec les problèmes de 1996-97, donc 7 ans plus tard, de voir l'évolution des personnages. Et l'épisode que je regardais, donc de la 7e saison, Lola déménage. Mmh. Isabelle, vous déménagez également. Et oui. Grégory Charles est venu vous aider à déménager avec Alors que c'était mon ex. Je sais. Je sais. C'était comment sortir avec Grégory Charles? Ouf, toute une école aussi. Le maillon faible du coup? J'ai survécu. Isabelle, la vérité. La vérité, c'est que... Elle rougit. Oui, je rougis parce que les gens savent à quel point ils parlent vite. Oui. Alors, imaginez la langue aussi va très, très vite et à tous les niveaux. Alors, ça a été toute une expérience. Je dis ça de même. Demander des explications. Mais ouais, mais là, j'ai la langue. Franco veut les avoir, des explications. Est-ce que vous l'avez déjà embrassé pour vrai? Bon, regarde, on est quand même oui, ici. Écoute, non, oui. C'est sûr qu'on s'embrassait pour vrai. On s'embrassait tous pour vrai. Ils aimaient ça, d'ailleurs. Vous aviez l'approche Actors Studio. Tout à fait. Ben, ils aimaient ça, en plus. Dire qu'on était, donc, c'est vrai qu'on était tous jeunes et fringants et avec pas beaucoup d'expérience. Donc, nous, c'était comme un party. Et tellement qu'on se faisait souvent chicaner par la régie puis la réalisation parce qu'on avait trop de fun. Et par moi-même. Ah ouais. Ouais, hein? Ben, c'est ça. Disons que des fois, c'était un peu party ado. Hein? Oui, sur le plateau. On virait tout ado. Comment ils appellent ça maintenant? Des fight food, je crois. Hein? C'est ça le nom, là? Je ne suis plus dans le cercle des jeunes. Non, il y a pas un bébé. Ah, des food fight? Oui, food fight. Food fight, merci. Ah, oui. Alors, c'est ça, là. Ouais, quand on avait des scènes à table, là, on était une douzaine, c'était écœurant. Ils mettaient ça sur le bout de leur fourchette puis ils se pitchaient ça d'un bord à l'autre du studio. C'était effrayant. Et c'était un gros party, donc il fallait de temps en temps mettre un peu d'ordre là-dedans. Et est-ce que vous vous attendiez qu'un party de jeunes comme ça fasse de 1,5 à 2 millions d'auditeurs à chaque semaine? C'est quand même fou, on ça. On est allé jusqu'à 2 900 000. Mais je voudrais juste vous le rappeler parce que c'est énorme. Puis c'est surtout que ces chiffres-là, c'est les nouveaux Nielsen parce que quand on a terminé, ils avaient tout refait, des calculs nouveaux. Donc c'est autant qu'aujourd'hui, 2 900 000. S'est habitué vite. Je dirais que c'était un petit peu le Star Academy de l'époque, je pense. Les gens avaient du plaisir, il y avait de la chanson, de la musique, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait de la dynamique, une dynamique folle. Les gens s'attachaient aux personnages et puis plus on avançait, meilleur on était. Donc, j'imagine qu'eux aussi... Ben, c'était vraiment particulier parce que nous, à cette époque-là, donc, c'était la première émission culte jeunesse. Ouais, ouais, ben oui. Et donc, ça ne s'était jamais vu au Québec. Et nous, on était là-dedans sans trop savoir qu'est-ce qui nous attendait. Et là, c'était rendu qu'on ne pouvait plus sortir dans la rue, on ne pouvait plus aller nulle part. À ce point-là? Ah oui, écoute, ils nous envoyaient partout, on faisait de la promo. Et du moment qu'on était plus que deux de la gang ensemble... Ouais. Il fallait quasiment avoir des bouncers. Les gens dans les salons là, de jeunesse, tout ça, les gens nous arrachaient nos vêtements. Ils étaient ça. Voyons donc. On a déjà eu des services. Mais ils arrachaient parce qu'ils étaient pas beaux. C'est sûr que. c'est surtout qu'ils étaient tellement amples. C'est ça l'histoire aussi. Mais tu sais que moi, en tant que vieille de l'émission, ouais. Même moi, j'étais agressée par les parents. C'était les jeunes m'aimaient. Mais oui, parce que la façon dont Louise agissait avec les jeunes, étant donné qu'elle n'avait pas de lien de sang, elle leur permettait des choses que leurs parents ne leur permettaient pas. Ah. Et elle était avec eux très compréhensive. Ben c'était la mère idéale. Alors, je me faisais arrêter par les jeunes qui disaient « Tu devrais dire à ma mère d'être comme ça. » Les mères disaient « Vous, ma maudite, là! » Ben moi, je pense que... Oh, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non, mais je pense que c'est une des clés du grand succès de cette émission-là, c'est qu'on abordait des sujets qui n'étaient pas nécessairement abordés avant à la télé. Juste, si je me souviens bien, le couple Grégory-Charles-Isabessier, en tout cas Hélène et Julien, mon Dieu, c'était la première fois à la télé en Amérique du Nord qu'il y avait un couple d'un noir et d'une blanche. En Amérique du Nord? Et alors, moi, je recevais des courriers là, de toutes les communautés noires du Québec. Parce que ce n'était pas des mails, là, c'était des courriers. Non, à cette époque-là, c'était des lettres auxquelles on répondait, puis c'était par coup de 200 lettres par semaine. Mais c'était ça qui était fabuleux, parce qu'on abordait tellement de sujets qui étaient à la limite tabous à une époque où on avait de la misère avec les nouvelles émissions pour enfants de dire un petit mot plus haut que l'autre. Alors les jeunes, tout le monde capotait, toutes les générations. Je disais dans la première saison, il y a une phrase qui se prononce qu'on ne pourrait pas imaginer, je pense, aujourd'hui. Cette phrase, c'est celle-là. « S'il y a un nègre dans la place, il va falloir le mettre au pas. » Ah, mais je veux dire, c'est fou de ce mot-là, utiliser ce mot-là maintenant. Ça se peut pas. Ça serait inacceptable. Ça serait sans Quand j'ai regardé la première année, je l'ai revisionné il y a quelques années déjà, et j'ai revu ces images-là, et je me suis dit, ça passerait pas aujourd'hui. Il n'y a pas un diffuseur qui laisserait passer ce terme ou ces commentaires-là, alors qu'effectivement, ils doivent exister quelque part encore, et que le meilleur moyen de les faire disparaître, c'est de les nommer, de ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc, à l'époque, moi, j'avais une grande ouverture. J'avais le diffuseur qui me disait « Non, non, continue. J'aimais là, si je parle de ça, vous savez... » Mais le public réagissait comment à ça, à une phrase comme celle-là? Non, mais c'est fou. Ils étaient prêts. Ils acceptaient. C'est que je faisais toujours quand même une contrepartie. Alors, par exemple, si lui disait ça, il y avait quand même une partie de la gang qui allait lui dire « Non, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? » Et il finissait par s'excuser. Donc, il y avait quand même la contrepartie. Donc, ça passait bien. J'ai reçu très peu de lettres, parce qu'on recevait vraiment un courrier là, à la poche. Là, il débarquait en répétition avec la poche. Ça doit être fabuleux, ça. Oui, mais aujourd'hui, je me dis, j'aurais aimé qu'on ait les médias sociaux. Ça aurait été formidable de le faire à l'époque, avoir ça. Parfois, on lit des bêtises sur le coup, on se dit, finalement, non, c'est pas si nécessaire que ça, les médias sociaux. Il n'y a pas le filtre du temps, souvent, avec les médias sociaux. Donc, mais j'imagine que... faire un chambre en ville à une époque de médias sociaux, ça serait l'enfer. Probablement. De gérer tout ce qui se passe. Parce qu'imaginez si vous n'étiez pas capable de sortir dans la rue. Non, c'est sûr que là, on n'aurait aucun espace vital. Mais en même temps, aujourd'hui, ça ne peut plus se comparer parce qu'il y a de plus en plus d'émissions jeunesse. Il y a donc une accessibilité à tous ces artistes-là et aussi aux émissions. Alors qu'à l'époque, comme il n'y en avait qu'une, c'est pour ça qu'on devenait une espèce d'icône pour toute une jeunesse. Excuse-moi, Isabelle, je t'interromps, mais en même temps, j'avais vraiment, moi, à TVA, une équipe à la direction qui nous laissait carte blanche. Et ça, c'était unique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit... C'était qui la direction à l'époque? C'était Michel Chamberlain qui était là. Et un jour, j'ai dit en entrevue, « Bon, écoutez, j'irai pas jusqu'à expliquer comment on met un condom. » Je l'ai rencontré dans un corridor et il me dit, « Oui, Sylvie, fais-le. » J'ai dit, vous êtes sûr, ça ne vous dérange pas? Il m'a dit, non, au contraire, vas-y, ça, c'est l'ami de Louise qui travaille au cégep, je pense. Francine Morin. Oui. Qui mettait un préservatif sur un gros crayon feutre. Exactement. On peut la trouver sur YouTube. Donc, depuis ce temps-là, vous en servez, vous savez comment mettre. Exactement, avant, je savais pas. C'est comme ça que j'utilise des crayons feutres maintenant. Oui, les gros, évidemment, pas les petits. Ben non, ben non. Mais on vous remercie, Mme Payette, parce que ça a prévenu quand même une grande génération de jeunes, de jeunes savards, et ça aurait été invivable. Mais c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les émissions qu'on voit ont cette liberté-là. Ben parce que j'ai quand parlé à des gens qui me disent « Mais comment tu faisais? » Puis ils me racontent qu'il y a toujours des gens qui édulcorent les textes, qui repassent, il faut choisir la bonne couleur, le bon prénom, il faut qu'il y ait également de gars, de filles, de couleurs, de ci, de ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette liberté que j'avais. Alors, j'avoue que quelque part, Chambre en Ville a pu avoir ce succès-là et cette immense visibilité-là parce qu'on a eu carte blanche. Il y a des gens qui ont dit « On va faire confiance à l'équipe. Mmh. » On a fait notre propre morale. On s'est donné des limites. Je racontais cette semaine justement à quelqu'un que Vincent Gratton, qui a quand même, qui avait déjà 32-33 ans à l'époque, nous a demandé d'attendre que Julie Deslauriers ait 18 ans avant de pouvoir faire des scènes un peu plus que le baiser seulement. Oui, parce qu'il a dit « Moi, j'ai quand même plusieurs années de plus. » Donc, on se faisait quand même notre morale en disant « On fera pas un comédien beaucoup plus âgé qui va aller avec une fille qui n'a pas 18 ans. » Donc, on le faisait. On était responsables. Fred soulevait quelque chose d'intéressant. À 32 ans, Vincent Gratton était sûrement secondaire 5. On avait l'impression que les gens étaient constamment au cégep ou au secondaire 5 dans cette série-là. Scolairement, ça n'a pas bien été pour eux. De façon académique. Non, c'est parce que si vous regardez, entre la première année que vous avez vu, la septième, il y en a qui sont allés à l'université, il y en a qui ont parti le business. Ils ont eu des bébés. Il y en a même un qui est devenu avocat, qui a son bureau. Donc, non, ils commençaient au cégep, mais après, ils ont évolué. J'ai suivi fidèlement l'évolution des cours. Et vous savez, on est très chanceux d'avoir ces DVD-là parce que vous nous avez raconté, en fait, je lisais qu'à TVA, ils allaient jeter les 188 épisodes de Chambre en ville. Ils vous ont appelé un matin pour vous dire « By the way, ils sont au chemin. Si vous les voulez, venez les ramasser. » Je ne sais pas à qui je dois dire merci. Il y a une personne qui a appelé chez moi un jour et qui a dit « Écoutez, les cassettes sont sur le quai de débarquement. » Pas les cassettes, mais les masters, vraiment, les bandes les maîtresses. Bobines. Là. Ouais. Ils sont sur le quai de débarquement. À midi, les poubelles passent. Si vous n'êtes pas venu avant, c'est ils vont pas être vrai, partis. Hein. J'ai aucune idée qui est cette personne. Je la remercie. Donc, mon mari est parti avec sa voiture et il est allé chercher les masters sur le bar parce que sinon, on n'aurait rien, on n'aurait pas pu faire les DVD que vous avez devant vous parce que les VHS ont vieilli, ils sont plus regardables. Les gens qui en ont chez eux, ils doivent voir la couleur et le son partir tranquillement là, de plus en plus. Donc, on n'existerait plus tout simplement parce qu'ils seraient dans les poubelles. Pour nous aussi, ça a été phénoménal parce que même, 25 ans plus tard, moi, je vous dirais, et je suis certainement pas la seule de l'équipe, à tous les jours, on me parle de Chambre en ville. Tous les jours? Tous les jours. Il n'y a pas un jour de ma vie que je sors dans la rue, qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'arrête pour me dire « Oh, Chambre en ville, puis on aimait donc où le personnage, etc. » Alors, ça a été une émission qui a marqué toute une génération, un peu comme nous, on avait nos Bobineau et Bobinette, puis on avait nos Fanfreluches. Mais bon, plus vieux que ça, évidemment. Mais, vous ne deviez pas vraiment voir ça. Ben, non, c'est ça, c'est vrai. Ben, moi, je suis arrivée à Pop Street. On avait Pete et Lo, là. Ben, oui, c'est ça. Et puis, c'est le fun parce que la gang, on est resté un peu comme une famille. On ne se voit pas souvent, mais quand on se retrouve, on est super contents de se voir. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que très souvent, les comédiens vivaient dans leur vie personnelle ce qu'ils vivaient dans l'émission. Arrêtez donc. Et ça, c'est arrivé dans plusieurs cas. Francis Rédé est un bon. Francis Rédé est un bon, c'est ce que vous venez de dire? J'ai pas dit ça. J'ai dit certains des comédiens vivaient dans la vie. Non, mais moi, là, dire à quel point, parce que j'ai fait Carmina après, ou pendant, mais j'ai failli pas pouvoir jouer Carmina à cause de l'image que j'avais de Chambre en ville. Tellement nos images étaient fortes et ancrées dans l'imaginaire du spectateur que quand est venu le temps de faire le casting de Carmina, ils ont refusé de me voir en audition pendant un an en disant « Mais non, elle, c'est impossible, elle ne peut pas jouer d'autre chose. » Ça aurait peut-être été mieux comme ça, finalement. C'est un très bon film. Jean-Sébastien, je vous interdis de parler. Je vous remercie. C'était bon, Carmina. J'espère que aussi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça aussi. Mais il ne connaît rien à l'art, au théâtre, au cinéma. Ben non, mais en fait, Jean-Sébastien Girard est un artiste amer, mais parce que c'est un homme de théâtre qui n'a pas joué. Mais quand même. Exact. Et c'est très correct. C'est très correct. Parce que vous savez, je le dis, on a deux hommes de théâtre ici, Jean-Sébastien Girard et Fred Savard. Tellement. Et ils ont voulu vous rendre hommage. Oh. En vous jouant. Mais c'est qu'à chaque semaine, on. Non. À chaque semaine, on cherche toujours un extrait de un peu pour faire revivre le radio théâtre. Ouais. On a fait la semaine dernière. C'est la semaine dernière, là, le déclin de l'Empire américain. Ouais. Ils ont joué. Ils ont reconstruit la scène du massage. J'étais, j'étais Geneviève Rioux. Ouais, et j'étais le massé, Pierre Curzi. Voilà. On a fait les voisins. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Là, on s'est dit, serait le fun de faire un extrait de Chambre en ville. Donc, c'est la première saison. C'est une scène qui met en vedette Lola, qui était jouée par Anne Dorval, et Pete, joué par Francis Reddy. Et ouais. Donc, à l'époque, Pete sort avec Valérie Valois, le personnage d'Annick, et l'épisode s'ouvre avec Lola qui met une toast au beurre de peanut sur le joli chemisier de Valérie Valois. Ah. C'est une grande rivalité. Et Pete va voir Lola au cégep. Il entend sa 38e session au cégep. Et il est dans le café étudiant alors que Lola travaille à temps plein. Alors. Place au théâtre. Je te dis qu'elle est nerveuse. Je suppose qu'elle est venue se plaindre. De quoi? Ben, de la confiture. Je suis sûr qu'elle t'a dit que j'ai fait exprès. Puis, t'as-tu voulu? Non. C'est un accident. Mais je suis certaine qu'elle va te dire autre chose. Ben, tu te trompes. Elle m'a dit que c'était un accident. Elle m'a même parlé de toi. Mais si tu y touches, là, tu vas me le payer. T'es-tu malade? Te rends-tu compte qu'elle te niaise? Tu penses-tu vraiment que t'es un gars pour elle? Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu vas te faire avoir. Elle peut pas te comprendre. Elle a fait pas partie de notre monde. C'est quoi mon monde, moi? C'est quoi? Tu vas sortir avec. Tu peux pas comprendre. Quand je suis avec elle, là, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Comprends-tu ça? Quand elle me regarde, là, j'ai l'impression que j'existe. Qu'il y a quelque chose quelque part pour moi. J'ai même l'impression qu'elle a besoin de moi. Quelqu'un qui a besoin de moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Voyons donc. T'es donc bien tough quand tu veux pas faire de peine à personne, toi. Je veux pas te faire de mal. Je suis juste bien avec toi, mais avec elle, je me sens quelqu'un. Puis pas vouloir faire de peine à personne, ça m'empêche de faire un choix. Il y a personne qui peut t'aimer autant que moi. Personne. Je te connais trop bien. J'aime tout toi, tout ton passé. Puis je m'en fous, moi, si t'es pas quelqu'un. Moi, je te prends pour quitter. T'es la moitié de moi. Puis si cette moitié-là lâche, je vais mourir. Pourquoi t'essaies pas de te trouver quelqu'un d'autre? T'aimerais ça, hein? Ben, je vais t'attendre. Toute ma vie, s'il faut. Mais j'irai certainement pas ailleurs. Je jouerai pas ce jeu-là, Pete. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Je veux pas. C'est toi que je veux. Moi, là, je veux faire un choix pour moi. Faut bien que je fasse mal à quelqu'un. Faut que je la fasse, ma vie. Je sais que tu m'aimes. Annick, c'est juste un rêve. Elle t'envoie l'image de ce que tu voudrais être, mais c'est pas ça, la réalité. Tu deviendras pas par elle parce que tu couches avec elle. Ça, c'est dans ta tête. Dans ton cœur, là, c'est moi qui est là. Je verrai bien. Wow! Alors, impressionné, quand même. Hein? Oh, ouais. Quand on vous disait que c'était des comédiens amers. Mesdames, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'heure, au moins. Bien, certainement. Ah, parce qu'on a une petite recette pour vous, en plus, plus tard. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve que les Écossais sont pas mal comme leur caramel, assez mou. Je sais, vous vous attendez à ce que je m'auto-congratule. L'actualité est un peu chipette cette semaine. Il paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Mesdames, aiguisez vos courriels, c'est la chronique de Fred Savard. Oui, oui. Je vous le dis, c'est dur. Non, pas tant que ça. Sachez tout de suite que je ne reviendrai pas sur la défaite du oui écossais de jeudi dernier. Non, je ne poserai pas mon regard à cuit sur ce référendum. Je dois avouer, le référendum m'ennuie depuis celui de 1995 auquel j'ai moi-même mis mon X. Je ne vous dis pas dans quelle case, oh que oui, que je ne vous dis pas dans quelle j'ai mis mon X. Non, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup plus que le sort d'une nation où les hommes portent des jupes carottées commando et qui soufflent dans un instrument ridicule qui s'apparente plus à l'agneau qu'on égorge à froid qu'à un do dièse. Non, le sujet de ma chronique qui me préoccupe tant concerne bien sûr le manque de filles dans notre émission. Ça, c'est vrai. Nous sommes déjà à notre 5e semaine de la nouvelle mouture de notre émission et pas une semaine ne s'est écoulée, Jean-Philippe, sans qu'on ne nous parle de notre manque criant de filles dans l'émission. Pas une semaine, Jean-Philippe. Imaginez la torture, 5 semaines à se faire dire « Comment ça, vous avez pas de filles, l'émission? Comment ça? » Je veux dire en chronique, là. En général. OK, pardon. Non, les gens sont méchants. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, surtout que j'imagine que ça doit ruer dans les brancards de certains cercles féministes que je trouve parfois un peu carrés, à mon goût, parce que même des gens que je n'associerais pas au féminisme trouvent que notre émission fait un peu boys club, juste parce que nous ne sommes que des gars, comme si les femmes étaient interdites dans notre émission. Ben, alors voyons. Imaginez ce qu'on en dit dans une réunion de 10 féministes radicales, dont 5 sont doctorantes en sociologie et sont plus masculines que moi. Ah, franchement! J'avoue être triste d'apprendre qu'on nous considère comme un boys club, surtout parce que quand on y regarde de plus près, notre émission n'est pas si masculine qu'il n'y paraît. En plus d'avoir une variété d'orientations sexuelles assez diamétralement opposées, on ne peut pas dire, quand on vous regarde, Jean-Philippe Vautier, que le masculin exsude en torrent des pores de votre coquerie. Surtout quand on vous voit arriver au bureau en petit short ajusté, chemisier, jaune serein, mais soyons modernes, soyons inclusifs. Ma blonde est enceinte. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous savez, c'est en tout cas. Je pense que nous souffrons surtout du fait que les femmes qui font partie prenante de l'émission travaillent dans l'ombre, comme notre réalisatrice, ma patronne immédiate, si je me fie à ma grille hiérarchique. Et que dire de ma chef de contenu elle-même, la patronne de ma patronne, qui, bien qu'œuvrant dans l'ombre, tire quand même les ficelles de la programmation d'ici Radio-Canada Première d'une main de maître. Dans leur cas, si le problème il y a, n'est pas tant qu'il y ait un plafond de verre, mais plutôt un plancher de verre qui les empêche de descendre de la hiérarchie où on les paie grassement pour se faire entendre à la radio. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas faire preuve d'essentialisme que de déplorer le manque de femmes à nos micros. Là, je pose des hypothèses, on réfléchit tout ensemble, c'est un brainstorm, calmez-vous. Comme je constate, Jean-Philippe, ouais. Le vide catatonique dans vos yeux, je vois que vous ne connaissez pas l'essentialisme qui désigne en sociologie l'idée selon laquelle les hommes et femmes seraient différents par essence, comme si leur nature déterminait leur physiologie, mais aussi toutes sortes d'aptitudes et de goûts personnels. Ouais. Croire à l'essentialisme, c'est très, très mal. Je vois que vous êtes très attentif avec votre crayon et votre Twitter. Je travaille, c'est, moi. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'une femme, par exemple, faut pas dire qu'une femme, parce qu'elle peut enfanter, ferait une meilleure infirmière qu'un homme hétérosexuel. C'est très, très mal. Alors, posons une hypothèse. Considérant que nous sommes donc tous pareils, hommes et femmes, que nous apporterait-on une présence féminine au micro? Hein? Et là, là, je pose ça dans une perspective non-essentialiste. Hein? Pour les besoins de l'exercice, ce n'est absolument pas mon opinion. Donc, que nous apporterait une fille à l'émission? Plus de recettes de cuisine? On en a déjà. Plus de culture? On en a tous pas mal déjà. Dessin nu? Non, merci. Je répète, ce n'est pas mon opinion. Autre hypothèse. Se pourrait-il que l'aspect humour soit une barrière qui s'ajoute à la présence d'une voix féminine à l'émission? Se pourrait-il que l'humour, un mot masculin, soit un reliquat du patriarcat? Se pourrait-il qu'un autre reliquat du patriarcat fasse en sorte que les hommes ont moins peur d'avoir l'air ridicule quand vient le temps de faire rire, ce qui leur permet peut-être de se lancer plus facilement dans le domaine humoristique? C'est très compliqué. Et se pourrait-il que le patriarcat fasse même des victimes chez les hommes qui auraient intériorisé le discours dominant mâle, qui se lanceraient plus facilement en humour à leur corps défendant alors que ça leur tente pas? Ça, on fait ça la chair. Et se pourrait-il que sans patriarcat, ils deviendraient peut-être préposés aux bénéficiaires un emploi souvent occupé par des femmes au lieu de faire rire d'eux à la radio? Se pourrait-il que sans patriarcat, les préposés aux bénéficiaires qui en poussent des bonnes au travail pourrait, elle, faire de la radio au lieu de se faire chier à changer les couches dans un CHSLD? Se pourrait-il qu'à cause du patriarcat, il y ait trop de cercles féministes qui chiquent la guenille au lieu de nous envoyer leur CV? Vous pouvez bien nous traiter de boys club, mais vous vous trompez. Car en terminant, pour rester dans les reliquats, sachez que nous sommes un peu une taverne ici, la soirée est encore jeune. On sert la bière dans des bocs et c'est bienvenue aux dames. Ah, oh, merci, frère. J'ai rien compris. Je sais, vous écoutez pas. Bon, j'espère qu'on aime la bonne nourriture maison. Parce que Jean-Sébastien nous fait une recette chaque semaine. C'est la première semaine... Mon Dieu que c'est genré. On est en train de se dire les trois. Tantôt, on disait Grégory Charles, parle vite. Mais là, franchement, je suis ébahie. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Grégory Charles à la vitesse, mais vous n'avez pas vu la langue, hein? Non, non, c'est ce que je me pose comme question. Je me suis juste demandé sur quoi il a écrit. Pardon, il était sur quoi quand il a écrit? Sur rien. Non, mais attention, il y a une stratégie derrière mon débit rapide, c'est que ça force les gens à réécouter l'émission en balado, parce qu'à Radio-Canada, on force beaucoup sur le balado. Alors, les gens sont obligés d'aller chercher... Parce que moi, sincèrement, j'aimerais beaucoup faire ça plus lentement. Ça ferait 15 minutes, ma chronique. Elle durerait 15 minutes. Et puis, il porte une chemise rose, d'après moi. C'est mettre ça, un peu vrai, féminin ça. Dans tout Merci, ça. Merci, Mme Payette. Bon, relaxons un peu avec une recette. Vous savez, Jean-Sébastien se spécialise dans les recettes, des bonnes vieilles recettes maison. Le vrai manger d'autrefois, Jean-Philippe. La semaine dernière, il nous a fait une recette avec du spam. Vous savez, le jambon, là, en canne. C'est dégueulasse. Alors, tout à fait. Tout à fait. Vous êtes sorti de quelque chose, ma petite madame, vous n'avez pas l'idée. Moi, j'ai mangé ça dans mon enfance, puis c'est vrai. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui. Cette semaine, vous... Ben, vous faisiez des sandwichs avec ça. Ah ben oui. Et vous faites quoi cette semaine, Jean-Sébastien? Ben écoutez, c'est un spécial chambre en ville, donc la nourriture d'étudiants. Quel est le mets préféré des étudiants? C'est évidemment le craft dinner. Le vrai de vrai craft dinner que j'ai ici dans plusieurs déclinaisons. Le macaroni au fromage dans sa petite boîte bleue. Est-ce que vous avez un rapport particulier au craft dinner? Tout le monde a une petite histoire. Oui. Vous, Louise, vous avez l'air à aimer le craft dinner. Moi, j'en ai mangé très jeune, mais c'est surtout au théâtre. Tous les étudiants en théâtre ne mangeaient que ça parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais c'est pas grave parce que c'est très bon. Ah oui, c'est bon. Moi, j'ai toujours trouvé ça bon. Et de toute façon, il y a plein de gens au bureau qui me disaient franchement, c'est donc bien dégueulasse. Or, les chiffres sont extrêmement vertigineux. Ça, c'est comme la télé-réalité. Personne n'en écoute, mais il y a des chiffres complètement fous. La preuve, écoutez les chiffres. Il y a 7 millions de boîtes de Kraft Dinner vendues tous les jours à travers le monde. Quel est le pays où l'on consomme le plus de Kraft Dinner? Moi, je le sais parce que j'étais dans le bureau. Les États-Unis. Aux États-Unis. Non. C'est au Canada. C'est ici qu'on consomme le plus. Il se vend au Canada. On est les champions du craft dinner. Il se vend 228 000 boîtes tous les jours ici. Quel petit peuple. 55 % de plus que les Américains. Ça en fait comme un... Nous, notre fromage, on l'aime en poudre au Canada. Attendez. Je vais raconter donnez-moi l'histoire. Donnez-moi pas du fromage en brique. Je trouve ça vulgaire, sincèrement. Là. Mais, justement, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà été dit que le craft dinner, au point de vue valeur alimentaire, ça te bourre puis ça te donne les protéines dont tu as besoin? Comme du polyphilat. Non, mais c'est parce qu'on s'en fout. Effectivement, il paraît qu'il n'y a absolument rien là-dedans. Sur la boîte de carton... Sur la boîte de carton, on nous dit que c'est plein de calcium. Or, évidemment, c'est faux parce que le fromage et le lait inclus ne correspondent même pas à une portion de produits laitiers. Ça contient une boîte, 75 % de votre sel quotidien, 75 % de votre gras saturé. Mais en même temps, on s'en fout. C'est du craft dinner. Fred me disait cette semaine dans le bureau, ouais, j'aime autant faire mon propre macaroni au fromage. Mais ben oui, on aime ça, le vrai mac and cheese, mais on aime aussi le vrai craft dinner. Le craft dinner. Quand tu arrives d'un show à 2 heures du matin, oui. Ouais, voilà. Tu vas ou à la poutine ou tu vas au craft dinner. Exactement. Tout est... Et il y a plein de célébrités qui aiment le craft dinner. Non, c'est pas vrai. Marie-Thérèse Fortin, Stephen Harper et Paul Martin. J'ai lu ça. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter d'en manger. Cela étant, vous voulez sûrement connaître rapidement la petite histoire du craft dinner. Et vous allez voir que c'est intéressant. Ah, ben oui. Vous allez cesser de mépriser la poudre parce que ça a aidé beaucoup de gens à une certaine époque. Alors, il y a notre... C'est une drôle de phrase, hein? Oui, c'est bizarre, ça. Oui. Surtout après la question que j'ai posée tantôt. Oui, ça, c'est vrai. Il y a notre collègue ici, André Martineau, qui a fait une capsule historique sur le craft dinner. Oui. On apprend qu'il faut remonter au 19e siècle en Ontario pour découvrir d'où ça nous vient. En 1860, écoutez, il y a une variété de mouches qui a causé des ravages incroyables dans les récoltes de blé. Ah, ouais. Donc, pour pallier cette pénurie-là, il y a plein de cultivateurs qui se sont dit « on va produire du cheddar okay. ». Mais là, ils en ont tellement produit qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils en ont envoyé en Angleterre, un peu partout. Et c'est là qu'intervient M. James L. Kraft, qui est né sur une ferme laitière au milieu de l'Ontario en 1874 et qui s'est dit « ça n'a pas de bon sens de perdre du fromage comme ça. J'aimerais inventer un fromage cheddar qui va durer plus longtemps. » Incroyable. Donc là, il a fait toutes sortes de petits trucs chimiques pour découvrir les sels de fonte. Moi, c'est drôle, hein, c'est cette partie-là qui m'intéresse quand même, les toutes sortes de petits trucs chimiques. Mais c'est la découverte du sel de fonte, en fait, qu'on retrouve dans les tranches de fromage et qui nous permet le d'avoir sel du... De fonte. C'est quoi, du les sel de fonte? Les sels de fonte. Ah, mon Dieu, c'est ce qui permet, ça, c'est ce qui permet à son cheddar de fondre de façon égale. De fondre, oui, voilà. Qui nous permet fondre. De se... de fondre, voilà, tout simplement. Et donc, il a inventé ce fromage-là. Un jour, il est allé se promener dans une épicerie aux États-Unis et il y avait son invention, un petit sac de poudre jaune-orange après une boîte de macaroni. Il s'est dit, voilà, on vient d'inventer le craft dinner. Donc, en 1937, c'est arrivé. C'est intéressant de savoir qu'à l'époque, les gens étaient souvent très pauvres. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de réfrigérateur. Alors, c'est une façon pour eux d'avoir accès à du fromage longtemps parce qu'on le sait, ça se conserve quand même très longtemps. Et c'est devenu aussi très populaire pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait des restrictions sur le fromage. Ça, c'est pas officiellement du fromage, alors ça nous permettait d'en manger à volonté. Mais il y a quand même du cheddar à l'intérieur. Et après la guerre, quand les femmes ont décidé d'arrêter de niaiser à la maison et d'aller se trouver un travail... Dit, mais pas la radio. C'est la fête, c'est la fête des filles voilà. aujourd'hui. Hein? Alors, on leur a dit, vous avez du travail, vous avez des choses plus intéressantes à faire que de faire un macaroni. Avec ça, ça se fait extrêmement facilement. Et évidemment, avec le temps, ça a évolué comme toute chose. Et là, il y a toutes sortes de déclinaisons vraiment ridicules. Du craft dinner riche en fibres, du craft dinner blé entier avec cheddar blanc. J'en ai même un ici aux légumes. Tu as du brocoli, du chou-fleur en poudre là-dedans pour ajouter les vertus. Et à noter, rien d'artificiel. Hein? Ni arôme, ni colorant. Laurent, ni agent de conservation, voyons donc. Mais mangez pas du craft dinner, tant qu'à ça. C'est juste qu'il n'y a rien. Ah, c'est okay. ça. C'est comme aller au McDonald's et prendre la salade. C'est aussi ridicule que mais ça. Mais le Monsieur Kraft, là, c'est-tu le Monsieur Kraft comme le beurre de peanut Kraft qu'on entendait? Absolument. Là, c'est le même Kraft. Ah, non, mais c'est pas lui qui le faisait. Okay. Ben, peut-être que c'était lui, Jean-Sébastien. Ben informez-vous. Avez-vous le nain là où il est né? De toute façon, j'en ai parlé tantôt. Mais est-ce que... Vous écoutez pas. Madame Deschâtelet. Je dis, avec la publicité que tu leur fais, là, ils vont sûrement te donner la recette de la fabrication du fromage. Mais je serais curieux comment on fait ça avec la selle de fonte. Oui. Alors, c'est délicieux. Je vous en ai fait un, évidemment. La recette. C'est le selle de fonte. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon... Merci, Franco Nuovo. La selle, c'est après. Et... Ce que qui est détonnant, c'est que ouais. on a l'impression que ces produits-là, c'est bon toute la vie, comme les tranches de fromage. On a l'impression que c'est dangereux parce que ça vieillit pas. Hier soir, j'ai fait mon craft dinner pour la porter aujourd'hui, et je trouvais que la sauce était un peu brunâtre. Et mon craft dinner était passé date, Jean-Philippe, depuis l'année dernière. Alors, je suis allé en acheter d'autres. Donc, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est le classique. C'est le craft dinner avec les saucisses hot dog. Mm-hmm. Alors, évidemment, j'ai fait une préparation ici. Alors, on suit. C'est très facile à faire. Ah, Seigneur, pourquoi vous dites... Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez une boîte de craft dinner. Ouais. Évidemment, la version régulière. Vous suivez les instructions sur la boîte. Vous mettez des saucisses dedans. Des saucisses hot dog qu'on va trancher, qu'on va faire revenir dans la poêlonne. Parce que je vois dans la salle les amateurs de cartilage là, qui se... qui se délectent. Ah, ouais, et là, il y a le petit Olivier qui me dit « Moi, j'ai jamais mangé ça du craft dinner de ma vie. Hey, » Il se vante de ça. Plus grande fierté. Petit bourgeois. Ben, petit bourgeois. Je trouve que c'est un manque de curiosité intellectuelle crasse. Je ne trouve Craft. Même pas ça cute. Alors, je vais vous en faire goûter. Et je vais... Ketchup, de la sauce tomate, toutes sortes de trucs. Évidemment, avec ce qu'ils ont inventé. Du craft dinner avec deux pogo, c'est la meilleure recette. Il n'y a rien de meilleur que ça. Alors, je vais en servir à Madame Deschâtelet. Chanceuse! Aux États-Unis, j'ai vu dans un restaurant qui faisait des bouchées en entrée. Boulettes de craft dinner ski. Ah, ça doit être délicieux. Je n'ai pas osé essayer. J'ai trouvé que ça n'avait pas l'air très bon. Cher, en plus. Moi, j'ai pris la version avec des spirales. Ah, Madame Deschâtelet, juste vous avertir, c'est chambré. Hein, là. L'avantage du craft dinner, c'est que c'est bon chaud au froid. Voulez-vous de la saucisse? Moi, je lui donne pas la cuillère. Pour les gens, non, parce qu'à cette température-là, c'est plus que chambré. Ah ouais, hein? Je vais laisser faire la saucisse. C'est les couleurs mettre dans le plat. Mais ça goûte ce que ça goûtait quand ça goûte l'enfance, hein? Et ça a un rapport émotif. Ça goûte toujours ça, bon. C'est pareil. Olivier Niquet, voulez-vous la petite saucisse? Ouais. Jean-Sébastien, oui. Est-ce que c'est terminé votre niaiserie? Oui. Ah, ben merci. Hein. Alors, juste peut-être rappeler rapidement aux gens, si vous voulez avoir la recette que je viens de donner, vous m'envoyez une enveloppe préaffranchie au 1400. Dorchester. Et je vous renvoie rapidement. Merci Jean-Sébastien. On continue de déguster le résultat de vos talents. Et on écoute Olivier. Hey, du monde pour diffuser des extraits de la radio de Québec. Un gros gros qui m'engage au lieu de passer des bons. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Vous savez, Olivier passe sa semaine à écouter les radios. Il nous dit qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. C'est toujours très élogieux. Allez-y, Olivier. Ben, cette semaine, les rumeurs de coupures dans les congés parentaux ont indigné plusieurs personnes, mais pas Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec, parce qu'on va se le dire, les congés parentaux. C'est que c'est rendu un programme de vacances. C'est... Oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le congé parental. Ben oui. C'est un congé payé. S'occuper de ses enfants à la maison aussi, là. C'est ça, dans ma perception. Là. Ben, ouais, c'est un congé. C'est... Prends ton chèque puis va t'amuser. Ben oui, ça le dit. Congé égale vacances. J'avoue que de dealer avec un nouveau-né qui fait ses dents, qui dort pas et qui a la tourista, c'est pas mal ce qui ressemble plus à un tout-inclus, selon moi. Argument intéressant, toutefois, du côté des autoproclamés arriérés comme Jérôme Landry de Radio X, dans le bon vieux temps, ça se passait pas de même. Il m'a sonné comme un vieil arriéré, là, puis gars, je suis à l'aise avec ça. Là. Mais dans les années 50, là, nos grands-pères, il y avait 7-8 enfants, puis le lendemain, ils retournaient à la shop. Il n'y avait pas de congé parental. Non, il y a peut-être quelque chose entre les deux, là, m'a te le donné. Mais à un moment donné, de faire le lien entre congé parentaux et natalité, là, un instant. Ben oui, c'est logique. Nos grands-parents n'avaient pas de congés parentaux et avaient plus d'enfants, donc les congés parentaux ne servent à rien. D'ailleurs, on devrait faire comme dans le temps puis excommunier ceux qui empêchent la famille. Pour rester dans les années 50, Guy Fournier était en entrevue mercredi au Franc-Tireur et en a profité pour revenir sur ses commentaires à propos des tenues sexy de Penelope McQuaid il y a un an. Et M. Fournier a les mêmes références que Jérôme Landry. C'est que ça a changé à tel point qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de femme qui se promenait comme ça sur la rue Sainte-Catherine. Ça, je peux vous dire ça, je peux vous le jurer. Là. J'ai jamais vu ma grand-mère autrement qu'avec une robe noire et un petit col blanc. Mais M. Fournier ne veut pas revenir à cette belle époque. Il a une meilleure idée pour les femmes qui ne veulent pas se faire harceler. Et si les femmes tiennent à vraiment ce qu'on ne les regarde pas, même je leur suggérais de se promener nue sur la rue Sainte-Catherine parce que généralement, quand une femme est nue, elle est moins attirante que quand elle est habillée. Se promener nue sur la rue Sainte-Catherine. Avez-vous une opinion là-dessus, Jean-Sébastien? Non, pas du tout. Bon, de toute façon, je me mouille c'est plus. Correct que vous soyez mêlés parce que les hommes, là, ils sont mêlés au Québec. J'ai l'impression que les femmes, particulièrement les femmes québécoises, parce que c'est assez particulier au Québec, ont tellement... Mais les hommes, qu'aujourd'hui, les hommes ne savent plus exactement ce qu'ils peuvent toucher puis pas toucher. Garde. Fais juste toucher à rien, OK? Ça va régler le problème. D'autre part, ce sera la semaine prochaine la journée sans voiture à Québec. Une journée sans voiture, presque devenue une journée sans voiture. Au grand plaisir de Dominique Moret de Radio X, très fier de voir... De voir qu'on s'est tenu de bout devant les ayatollahs verts, devant les gauchistes, devant ceux qui ont tenté de nous faire avaler leur petit agenda alternatif. Tu sais, le mot alternatif, les gauchistes adorent ça, là. La nourriture alternative, les transports alternatifs. Oh, moi, j'écoute de la musique alternative. Moi, je faisais conseil, j'arrive avec ça au secondaire. Ouais. Moi, j'écoutais du rock ordinaire, là, Def Leppard, sur Rush. J'étais un gros tripeux de Rush. Tous les clichés de la ville de Québec en 30 secondes. Faut quand même le faire. Sinon, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux cette semaine, un vidéoclip de rap comique, je dirais, pour rester poli, qui a été réalisé par des assistés sociaux de Verdun qui demandent plus d'argent. Et Sylvain Bouchard de Cogeco, le Paul Arcand de Québec, en tout cas, lui, il l'a vu. Il s'est d'ailleurs posé la question, le temps perdu à réaliser ce vidéoclip n'aurait pas dû plutôt être investi à essayer de se trouver une job? Mais le problème, c'est que si l'organisme qui chapeaute l'exercice avait plutôt aidé ces gens à se trouver des jobs, ben, il serait tiré dans le pied. Mettons qu'on les fait travailler... Il y a moins de BS, il y a moins de pauvres. Il y a donc moins d'organismes pour défendre les pauvres. Donc, si tu travailles là-dedans, toi, là, un organisme, dans ta subvention, tu l'as, ta job, toi. T'es peut-être mieux de demander des gros chèques que des jobs, parce que chaque job que tu trouves à un pauvre ou un BS, tu viens de perdre un client. Ben oui, parce que tout le monde sait qu'on a une pénurie de pauvres au Québec. Les organismes, ils doivent capoter. On va manquer de pauvres. Faites quelque chose. Un problème auquel il faudra vraiment s'attaquer. Merci, Olivier Niquette. C'est correct, Louis, c'est fini. Olivier, vous étiez conscient qu'on avait Louise Deschâtelet. Ben oui, je sais. Oui. Bon. Mais non, ça a bien été, hein? Ça a bien été, madame. Non, mais c'était une autre vie, hein, Louise? Je vis avec ça. OK, d'accord. Jean-Sébastien Girard, est-ce que vous avez des questions pour nos invités ce soir? Énormément. C'est la première fois qu'on a autant de courriels pour nos invités. Un premier courriel qui nous vient de M. Éric Bédard, qui s'adresse à Mme Sylvie Payette. Merci, madame, pour votre beau téléroman. Je l'ai suivi avec beaucoup d'assiduité. En revanche, je vous en veux un peu pour une seule chose. À cause de vous, ça fait 25 ans qu'on est pogné avec Jasmin Roy. J'imagine que vous deviez avoir le goût de intimidé sur le plateau. Évidemment, ça crée un malaise pour rien. Je ne vous pas répondre. Cela dit, Jasmin est tellement adorable. Si vous saviez le plaisir que j'ai travaillé avec lui. Mais là, dites-moi dans quelle saison, parce que dans la première et dans la septième, je ne l'ai pas vu. Il est en la première, je pense qu'il est là, effectivement, de la deuxième à la sixième. Ah, mon Dieu, j'ai pas été chanceux. Il étudie en médecine, hein? Oui, exactement. Mon courriel qui nous vient de Maxime Labrie et qui s'adresse à Mme Louise Deschâtelet, un beau témoignage. Bonjour, je suis dans la vingtaine. Je voudrais vous dire que j'ai une réelle affection pour cette dame qui, par le fait qu'elle ait bercé notre enfance dans des rôles comme Peau de banane, Anne Cadieux et Chambre en ville, elle fait aujourd'hui vibrer une corde nostalgique en nous. J'aurais juste envie de lui dire merci, je vous aime beaucoup. Mais voyons donc! C'est beau, hein? Non, ben, fin! C'est le fun de terminer là-dessus. Eh bien, on remercie évidemment Louise Deschâtelet, Isabelle Cyr et Sylvie Payette. Merci d'être venue. On va acheter le coffret de Chambre en ville pour se replonger dans les années 80. Les 7 années complètes. C'est fou. Hein? Merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci pour tout. On va aller tous ensemble aux nouvelles, s'informer un petit 10 minutes. Et on revient avec Franco Nouveau, Fabien Cloutier et toute l'équipe en direct du Helm. Bye-bye. Yeah! Deuxième heure de la soirée est encore jeune en compagnie d'Olivier Niquette, Fred Savard, Jean-Sébastien Girard, Franco Nuovo. Je vous rappelle qu'on aura vu ou pas Bing Atom with Claude au TNM un peu plus tard dans l'émission. Il y aura beaucoup de difficultés pour les deux participants à ce débat-là parce que Fred Savard et moi-même avons vu la pièce et je viens d'apprendre que Franco Nuovo a aussi vu Bing Atom with Claude. Exact. Mais moi, je l'ai pas vu, je suis parti avant la fin. C'est pas vrai. Avec Sophie Laurent. On est à l'express. Sinon, Olivier, est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour? Oui, on rappelle la question. quel politicien, à part Jean Charest, n'aimeriez-vous pas voir faire un retour en politique? C'était pas vraiment une question à développement, alors j'ai compilé les réponses. On en a eu quand même une centaine. Hein? Et les plus populaires sont Jean Lapierre, Jean Chrétien, Gérald Tremblay et Georges Larac. Moi, pourtant, Georges Larac, j'aimerais ça, vraiment ça, qu'il revienne en politique. Il y a beaucoup de monde qui ont parlé aussi de Mario Dumont, dont son épouse Marie-Claude Barrette. C'est pas bien. Je vais le garder pour lui, je pense. Et sinon, Félix nous dit « Je ne m'ennuie pas tant de l'empereur Néron et de ses politiques de réforme municipale. » Ah, ça, c'est vrai, ça. Mais en même temps, Coderre, là, il se chicane avec les pompiers, ça se peut qu'ils mettent la ville à feu bientôt. Là. Et je pense pas que tous les gens ont les référents, là, mais non. Merci, Olivier. Alors, on va avoir une météo et une circulation très bientôt. Alors, à vos internets, tout le monde, pour nous envoyer les informations les plus chaudes sur l'état des routes de Saint-Luc-Gémilo. Oui. Et éventuellement, moi, je pense que ça serait le fun de prendre des appels pour la circulation. Je sais pas s'il y a des gens qui seraient game de nous appeler pour nous donner c'est la circulation sûr. Dans leur endroit. Enfin, mais avant qu'on commence... Ça en direct, des appels en direct, là, c'est toujours bien le fun. Ben non, mais attends, là, je veux dire, les gens sont civilisés. Ben oui, oui, c'est clair. On le voit bien, ces médias sociaux, là, les gens qui nous écrivent et qu'on n'en parle pas. Ah oui? Vous allez pogner avec ça, moi, je vais être parti avec ça. Vous savez, là, c'est le moment de notre invité d'honneur, le moment qu'il faut donner à notre invité d'honneur pour partager un sujet qui lui est cher. Franco, je sais que vous voulez parler de l'Écosse, mais je me suis dit que ça serait... Mais je ne veux pas parler de l'Écosse. Arrête, là, vous nous envoyez un courriel, vous voulez parler de l'Écosse et vous avez regardé Braveheart pour la première fois, c'est-tu fond? Ben oui, j'ai regardé Braveheart. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on invite Fabien Cloutier, notre deuxième invité, parce que ben, s'il y a un gars qui connaît l'Écosse, c'est bien lui. Hein, je suis pour ça, même. OK, présentez-moi. Comédien, chroniqueur, conteur, auteur de théâtre, il vient nous présenter son nouveau spectacle pour réussir son poulet. Accueillons le très décapant Fabien Cloutier! Fabien Cloutier. Monsieur Cloutier. On va faire l'entrevue plus tard un peu parce que... Non, mais... C'est correct, non, je suis là, je t'arrive. Je tenais à ce que vous soyez là déjà parce que Franco doit partir. Il y a un soufflé au four. Ah ouais? Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'on va parler d'Écosse. Et évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Fabien Cloutier, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Fabien Cloutier? Mon Dieu, ce serait gênant. Ah, une personne ici. Bon, mais parfait, madame, on va vous expliquer c'est qui. Alors, mais Fabien, vous pouvez l'entendre un peu partout ce temps-ci. Il va à la Licorne débuter sa nouvelle pièce pour réussir un poulet le 23 septembre. On l'entend à Plus on est de fous, plus on lit. Il nous décortique des proverbes et des dictons. Il fait aussi des chroniques à la nouvelle émission de MC Gilles. Ah. Ouais. OK. Ouais, tu vas voir. Laisse-nous le temps de commencer. Là. On devrait arriver à quelque chose. C'est un gars vraiment très drôle. Et on va parler de deuxième degré ensemble, je pense, Fabien. Parce c'est bon. Que j'imagine que tu dois dealer avec ça souvent. Je sais. Mais toujours est-il qu'il y a deux pièces qui ont marqué, je pense, l'œuvre de Fabien Cloutier. C'est Scotstown puis Cranbourne. Puis Scotstown, j'ai appris que Scotstown était une ville au Québec, évidemment, tout près de lac Mégantic, ouais, ouais. Qui avait accueilli quand même pas mal d'immigrés écossais. Hein. Oui, d'immigrés écossais, immigrés anglais. Puis c'est même une ville qui a été fondée, c'est ça. Historiquement, c'est bien le fun parce qu'il y a des coins des cantons de l'Est où est-ce que il y a eu une génération qui parlait anglais, français et gaélique. Ah ouais. Donc, tu peux te promener pour quelqu'un qui aime aller faire le tour des cimetières, là. Malgré tout, être impressionnant. Là. Ah ouais. Mais vous êtes écossais? Non, non. Je vous dis vous parce que... Non, je suis un pur produit de la Beauce. Okay. Ben oui, ça se sent. Un genre de noir. Un genre de noir. Mais là, je suis en train de me dire, Franco, vous êtes capable de patienter. Hein? On va parler de l'Écosse tantôt. Ah, moi, j'ai tout mon temps. Hein? Ah, je sais. Vous avez j'ai votre 50 minutes encore. Ah, ben parfait. Génial. Non, mais dans les deux pièces que vous présentez, en tout cas, celle que j'ai vue qui était Scotstown et Cranbourne, vous jouez un personnage d'un... Un gars de la région. Moi, je viens de Saguenay. J'en ai déjà vu des gars comme le chum de Chabot, le personnage que vous jouez là-dedans, qui a des expressions, qui est un gars d'usine, qui utilise beaucoup de slang. Et j'imagine que le deuxième degré... Vous savez c'est quoi le deuxième degré, toujours? Pas moi. Bon, j'ai l'impression, on vous explique tout à l'heure. Le deuxième degré, évidemment, un peu l'ironie qui nous permet d'aller jouer dans des endroits où on pourrait peut-être pas jouer. J'ai l'impression que c'est votre outil principal, Fabien Cloutier. Ben j'aime ça, en fait. Je trouve que c'est un des outils les plus fun à utiliser, de jouer sur la ligne aussi de la subversion, de voir jusqu'où les gens vont être prêts à nous suivre. Puis d'en faire choquer de temps en temps, c'est pas par plaisir de choquer, mais de voir tout à coup la réplique qui va faire éclater de rire certaines personnes et pendant que d'autres vont se prendre le cœur en disant « ça n'a pas de bon sens », celle-là, je l'aime, tu sais. J'aime, c'est moi. J'ai appris aussi à vivre avec le fait que je peux le faire des soirs puis que ça va éclater à certains moments puis que d'autres soirées, il va avoir un bide terrible à ce moment-là. Mais maintenant, ils me font rire, ces bides-là. Je fais « OK, eux autres, là j'ai réussi à les avoir dans un autre affaire. » Mais c'est difficile à saisir le deuxième degré, que ce soit en écriture, que ce soit dans une chronique, que ce soit à la radio, que ce soit au théâtre. C'est très dur à faire passer. Parlez pour vous, Franco, mais... Il y en a qui le maîtrisent. Mais bravo! Non, mais... mais... Toujours est-il que c'est vrai que c'est difficile à saisir le deuxième degré parfois, et ça dépend des contextes. Ça y est pas de vous rattraper. Non, non, non, ouais. C'est vrai pour, parce que... Pour une fois, il y avait une bonne question dans l'émission, paf, elle est désamorcée. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pas le deuxième degré qui vont voir vos spectacles? De moins en moins. Au début, là, je pense que... Parce que le spectacle est annoncé aussi comme quelque chose comme entre le conte puis le théâtre, puis que les gens me connaissaient pas. Fait que des fois, il y en a qui prenaient le gars qui rentrait sur scène comme... Celui que je me souviens une fois à Valleyfield, je fais un show, puis la dame, après la représentation, on a une discussion avec le public, puis elle me dit « Je suis très contente de voir que vous n'êtes pas comme votre personnage. » Il y a encore du monde qui y croit pleinement, tu sais, qui vont au théâtre. On a beau dire c'est décor, costume, on a beau dire c'est un texte de « avec telle personne », il y a encore des gens qui se font prendre. C'est des gens qui amènent encore des sacs de provisions à Donalda, à Radio-Canada. Sont assez rares, mais sont là. Ouais. Quand on va voir ces deux pièces-là, donc celles dont on parle, Cranbourne puis Scotstown, j'ai l'impression qu'on vogue entre le théâtre, parce que c'est à la Licorne, ou du stand-up de comédien, quelque part. Je veux dire, c'est un personnage comme la plupart des humoristes peuvent utiliser. Je veux dire, on pense... Là, je ne ferai pas de comparaison. Mais on va le faire. C'est drôle, mais tous les humoristes ont un grand personnage qu'ils utilisent régulièrement. Ils peuvent faire un show avec ça. C'est votre personnage de stand-up comique. Oui, même si j'ai envie de faire des trucs avec Fabien maintenant, puis je commence à explorer ces trucs-là, parce que ce personnage-là aussi me condamne à un angle de vision, il me condamne à son langage. Ça, il y a des sujets que je ne peux pas aborder avec ce personnage-là. Ou si je les aborde, c'est sûr que je suis obligé d'y aller avec ses connaissances à lui, puis tout ça. Puis il y a des choses où est-ce que j'ai envie que ça soit plus proche de moi. Fait que oui, je travaille, tu sais. Ultimement, ça me tente de lancer un Fabien Cloutier plus proche du stand-up, où est-ce que, oui, c'est mon texte, mais je suis moins l'acteur qu'un gars qui monte sur scène. Mais est-ce que vous faites de l'humour ou du théâtre? Je fais du théâtre, mais je pense que mon prochain solo va être un spectacle d'humour. Parce que c'est plus payant. C'est toujours ça. C'est ça qui se passe. C'est l'honneur de la guerre. Je vous réécoutais à 125, Marianne, et vous avez joué un extrait, en fait. C'était Cranbourne, je pense, l'usine de caramel. Et puis, quand tu écoutes ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je ne sais pas si c'est possible. C'est le deuxième degré, ça, que vous avez pas saisi. Non, mais j'essaie de vous expliquer, pour vous, Franco. Là. Il juge les autres, mais... J'essaie d'expliquer. Je vois Franco qui est mêlé tout tantôt. Vous allez voir, c'est bien, bien bon. Non, mais j'ai pas l'extrait avec moi, mais je sais pas si vous avez en tête un extrait de cette pièce-là. Parce que je veux dire, vous représentez vraiment un gars d'usine qui raconte sa vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Bien, pour lui, il y a une part d'aliénation aussi dans ça. Je dis pas qu'on s'aliène nécessairement en travaillant à l'usine, mais il y a une part où est-ce qu'à un moment donné, la machine devient plus forte que lui. Là, c'est... Techniquement, on le voit comme ça, mais c'est aussi, tu sais, à tous les jours, cette micro-société-là d'hommes, tu sais, souvent dans des... Moi, j'ai travaillé dans les usines, puis malgré tout, quand je quittais à la fin, tu sais, pour retourner à l'école, ça me faisait de quoi? J'aimais ça, cet univers-là, tu sais, très... J'y aurais pas passé ma vie, mais y a de quoi... Il y avait cette solidarité-là, puis en même temps, un niveau d'humour... assez explosif aussi, là. Tu sais, j'ai vu des choses en usine que je mets pas dans mes spectacles nécessairement parce qu'ils ont pas leur place, mais où est-ce que je fais? OK, là, on allait loin, là, tu sais. Comme quoi, par exemple? J'ai vu des organes génitaux. Bon, mais dans une usine de quoi vous travailliez? Hey, là, vous êtes... Ben non, mais c'est une question... Non, mais j'ai travaillé dans 2-3 shops dans Beauce. J'ai fait du béton. J'ai fait des confitures aussi. Fait que je passais du béton aux confitures. Les organes génitaux et les confitures. Ouais, mais j'aimais mieux les confitures que le béton. C'est revenir puis sentir le sucré, c'est moins pire que revenir puis s'enlever du béton dans le poil des bras. j'ai entendu aussi, en fait, je pense que c'était à 125 Marianne, que vous avez dit que votre cheval de bataille, en fait, c'était... Est-ce que vous aimez mieux qu'on mette l'extrait de 125 Marianne puis vous faites pas l'entrevue? C'est un peu bitch, ça. Je vais défendre mon ami ici, là. Vous voyez comme il y a peu de respect sur ce plateau. Incroyable. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est moi qui mène. Alors la semaine prochaine, il va avoir 6 minutes dans tout le show. Mais c'est pas grave. Concentre ton amertume ailleurs, Jean-Sébastien. Vous m'avez fait perdre mon idée, là. 125 Marianne. Oui, oui. Ah non, je l'ai retrouvé. Votre cheval de bataille, vous disiez que c'était de vous attaquer aux préjugés des gens. Pourquoi ouais. C'est si important que ça, s'attaquer aux préjugés des gens? Parce que je trouve ça plate, moi, d'arriver quelque part puis que les gens aient une idée préconçue de ce qu'on est puis de ce qu'on peut devenir. Puis pour moi puis pour les autres aussi. Puis j'ai travaillé, là, je vais devenir sérieux, mais j'ai travaillé quand même beaucoup avec la jeunesse. Puis j'ai vu des jeunes souffrir des préjugés. J'ai vu des jeunes avoir à se battre contre des idées qu'on se faisait d'eux-mêmes. Puis ça me fait de la peine. Ben oui, c'est correct. C'est correct. On a beaucoup de préjugés envers Jean-Sébastien, mais c'est quelqu'un de gentil quand tu passes à travers le premier mur. Ça lui fait pas de peine. Ah oh là là. Parlons de pour réussir un poulet qui commence dans 2 jours, si je me trompe pas. Vous attaquez à quel préjugé là, pour réussir un poulet? L'idée qu'on se fait des pauvres, l'idée comme de quoi les pauvres seraient bien dans leur situation puis qu'ils auraient donc choisi d'être là puis qu'ils devraient donc rester là. J'ai eu envie de mettre des personnages qui, tout à coup, décident de retrouver leur dignité, décident de se dire que il y a peut-être des gens qui profitent d'eux. Si on leur offre une job à 30$ à tous les jours, c'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit « Bien, cette 30$-là, il va dire oui parce qu'il n'a pas le choix de toute façon. » Et qui, un jour, décide de refuser ça puis de faire « Non, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de grandir. » C'est sûr, ils vont se tromper, ils vont prendre des mauvais chemins aussi à cause de leur milieu de vie, à cause d'où est-ce qu'ils viennent, à cause qu'on leur a pas tout appris, ben ils vont se tromper. Et ils essaient de se sortir de ce cercle-là, mais ça va être difficile. Est-ce que vous étiez à la manifestation aujourd'hui? Non, j'étais en répétition aujourd'hui. Okay. Et les personnages qui sont là-dedans, est-ce qu'on va revoir le chum de Chabot? Non, est-ce que c'est... Non, c'est complètement une nouvelle faune. On est plus dans une faune de ruelle, une faune de ramasseurs de fer, puis de gars qui essayent de se débrouiller en fouillant les poubelles pendant la nuit. Tu sais, ça, c'est un univers aussi que j'ai eu du fun à observer, à côtoyer dans le quartier Limoilou à Québec, là, parce qu'il y a une grosse usine de récupération de fer, le AIM, dans ce coin-là. Fait qu'on voit, là, dès qu'il fait sombre, les pick-up qui partent, puis les gars qui ramassent des laveuses. Puis il y en avait un, tu sais, il partait avec son petit diable, puis il allait porter des laveuses à pied, puis tu fais... Je sais pas comment ça y donne, une laveuse, là, mais le temps qu'il marche là-bas pour aller apporter puis la revenir, ça doit pas être si payant que ça. Ben c'est pas de l'argent de nos taxes, en tout cas. Hein? Au moins. Hey, les SMAT, là, à ma droite... Jean-Sébastien et Fred Savard, ils m'insultent à gauche et à droite. Ils ont pas écouté l'entrevue, ils ont rien à dire. J'ai tout écouté. J'ai vu, moi aussi, 125 Marianne. C'était du réchauffé. Oh, l'enfant de chienne, quand même. Voyons donc! Ben voyons donc! On est loin des beaux dimanches, ça arrive pas rond, hein? Les belles années de Radio-Canada sont terminées, fini, mesdames ça. Et messieurs. C'est fini. Michel Tissère. En terminant, là, on a parlé... Fred n'en revient pas. Ben là, je vais déposer une plainte, voyons donc! Non, pour harcèlement? Ouais, c'est ça. Habituez-vous, ça commence. On termine avec... on a parlé longtemps du deuxième degré puis de l'importance de ce deuxième degré-là puis des préjugés que vous voulez abattre, mais quand vous êtes comédien, là, vous, par exemple, dans 30 vies, vous le gérez comment, le deuxième degré? Il n'y a pas de deuxième degré. Ben, c'est ça. Franco, ben, c'est bon. Ben, je trouve qu'il y a une bonne différence, tu sais, entre... même si je dirais pas oui à n'importe quoi, mais il y a une bonne différence entre quand tu décides d'être un acteur puis de faire « OK, cher, cette idée-là, cette parole-là, je m'en vais faire ça », puis ce que tu fais aussi comme créateur. Puis le deuxième degré dans 30 vies... C'est ça que je disais! Ben. Malgré... Tu sais, il se passe beaucoup de choses. Je l'avoue, ça m'a quand même impressionné. Tu sais, parce que j'écoutais pas 30 vies, mais de voir tout ce qui se passait dans une semaine... Hein? puis à quel point elle réussissait à refermer ça, j'ai fait, malgré tout, il y a quelques... j'essaierais de le faire, je ne suis pas sûr que je serais capable. Il y a une... Puis il y a des gens qui suivent. Non, ça m'a impressionné. Je suis très honnête, là, je... Tu sais, 30 vies, puis l'autre d'avant, c'était quoi? C'était Virginie. Virginie. Ben malgré oui, tout, ça peut être une bonne cible. Tu sais, je pourrais dire une cible facile. Mais l'acteur qui a pogné ces textes-là, puis tu sais, tout à coup, il y avait 4 épisodes, puis sur 4 jours, tu fais OK, il se passe tout ça, puis finalement, c'est réglé à la fin. Tu fais ben ça marche. Ah ben merci, Fabien Cloutier. Je n'avais rien à répondre sur 30 vies. Non, sur 30 vies, je ne l'ai pas encore assez écouté, mais ça s'en vient. Je suis en train de reprendre dessus. Là. Il y a de tellement franco. Vous l'écoutez, vous, 30 vies? Ben, je suis obligé maintenant, moi. Comment ça? Ben, c'est demain. Ah oui, c'est vrai! Il n'y a pas la fille de votre blonde qui joue là-dedans? Ouais. Ah, c'est ça qui se passe. Hein? Ah. Merci. Vous restez avec nous, Fabien Cloutier. Ben ouais. Mais je comprends, par contre. La circulation. Beaucoup, beaucoup de réponses. Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, oui, il y a Philippe qui nous dit que c'est fluide sur Carrefour à Fermont. Congestion prévoit au dépanneur. 3 autos de Wabush s'en viennent acheter de la bière. Circulation très dense devant la SAC à Saint-Hubert. Difficile de stationner. Ça, c'est une madame qui nous envoyait ça. Évidemment, il ne fait pas beau. Circulation fluide sur la 132 entre Rimouski et le Bic. Il ferait 0 degré non, non. Sous un ciel gris. On l'a atteint parce qu'avec Calhuit, il fait 3. Attendez un peu, il fait 0 où, là? Entre Rimouski et le Bic. Ben, bravo aux gens du Bic, ouais, franchement, voyons donc. Et là, attention. Ariane nous écrit de Ubud à Bali, en Indonésie, pour nous dire que la circulation est fluide sur la route Raya Ubud, avec un petit bouchon à la route Karna. C'est le marché du matin. Il est 5 h du matin. C'est quel coin de rue, ça, juste pour être certain? C'est en Indonésie. Et Louis Lemieux, le vrai, en parenthèse, j'imagine que c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas encore une seule goutte de pluie autour de Radio-Canada. Je suis disponible pour un reportage météo. Visiblement, Radio 9, ça ne fonctionne pas trop, parce que Louis fait le guet autour de Radio-Canada. Et à Thetford Mines, il y a un Jeep reculé avec un trailer, une remorque, dans une cour de la rue Roberge. La rue a été bloquée pendant une bonne minute, mais maintenant, tout est beau. Et au coin Villeneuve et Saint-Dominique à Montréal, il y a quelques vélos et un unicycliste. Et ça, franchement, j'ai hâte que l'hiver arrive pour que ces unicyclistes-là restent à la maison. C'est franchement dangereux. Ouais. Non, surtout, vous, surtout quand ils jonglent. Ben oui, franchement, ah ouais, tu sais, le deuxième degré, à un moment donné, là. Les circassiens. Wow. Ouais. Les circassiens qui bloquent nos rues. Et sinon, ben, comme je vous disais, à Iqaluit, 3 degrés encore une fois. Alors les gens, je suis un peu déçu. Je pensais que les gens allaient répondre un petit peu mieux. Et il fait 12 degrés quelque part, c'est pas clair. Alors les gens, écrivez-nous s'il fait 12 degrés chez vous. Je veux savoir c'est quoi la bêtise. Merci. Toujours un plaisir. Franco, ben, on va parler d'Écosse. Puis je sais que vous avez fait une petite... Bien, aidez-moi. Non, mais vous avez fait une petite blague hier parce qu'on vous demandait de quoi voulez-vous parler, Franco. Puis là, vous m'avez envoyé un courriel. On va parler d'Écosse, ha ha ha. Mais vous êtes dans la marde parce qu'on va parler d'Écosse. Non, mais qui n'a pas parlé d'Écosse cette semaine? Ben nous. Fred voulait parler d'Écosse, finalement, il a insulté les femmes. Je les ai pas insultées, voyons donc. Mais oui, ben non. Il faut assumer dans la vie. Ben non, mais je les ai pas insultées, voyons donc. Non, mais parce que plus je parle des femmes, moins je parle d'Écosse. Non, mais... Non, c'est vrai qu'ils ne les ont pas insultés. Il y a une chemise rose, hein, par ailleurs. Fred Savard, une chemise rose. Ben oui. On va en parler parce que vous avez écouté hier Braveheart. Oui, j'avais jamais écouté. Mais voyons donc. Et je connaissais rien de William Wallace et tout ça. Non, je connaissais rien. Et, très peu de culture, quand même. Non, très, très peu. Et j'ai été critique de cinéma 15 ans, imaginez. Mais en même temps. Mais j'ai pleuré. Vous avez pleuré pendant le Braveheart? Ben, racontez-nous l'histoire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu. Êtes-vous capable d'en parler? Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, ben certainement. Allez-y. Alors, William Wallace, un petit garçon, tout petit. Ah, mon Dieu, je pense que ce ne sera pas possible. Son père est mort. Ouais. Il part avec son oncle, il s'en va en Italie, il fait le tour de l'Europe, il apprend le latin, il revient et il devient le leader des mouvements, de la rébellion contre l'Angleterre et du premier mouvement véritablement indépendantiste. C'est assez clair, ça? Mais c'est tout, mais le film, c'est pas juste ça, quand même? Ben là, sa blonde meurt. Ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, il se peinture la face en bleu, il se fait casser. Ouais, ça, j'ai pas compris pourquoi. Ben justement, moi, j'ai fait mes petites recherches sur Braveheart parce qu'on parlait de l'Écosse. Et pourquoi il portait pas de jeu? Ah oui, il portait une jeu. Attendez un peu, là. Braveheart, là, c'est ce qui a marqué les gens. On a beaucoup parlé de l'Écosse à cause du référendum, mais quand on lisait les tweets et on lisait tous les commentaires, ils faisaient tous référence à Braveheart, évidemment, qui a combattu pour l'indépendance d'Écosse, blablabla. On est en 1300 quelque chose. Cela dit, Il y a énormément d'erreurs dans ce film-là. Alors, la plupart... romancé. Ben oui, ben c'est sûr que c'est romancé, mais pas rien qu'un peu. Par exemple... C'est peut-être voulu, là. Il y a Mel Gibson. C'est quoi les erreurs? Il y a Mel Gibson, c'est quand même une bonne erreur. Ben non, mais... non, mais c'est quand même lui qui a eu l'idée de le faire. Hein, je veux dire, ouais, ouais. Pour un Australien, c'est pas pire. Ouais, non, mais comme... Il y en a qui ont fait bien moins. Mais la pire erreur, évidemment, c'est parce que quand on a regardé ça, on a compris que le bleu étant le bleu de l'Écosse, il se peinturait la face en bleu, ce qui est impossible à l'époque. Et c'est impossible à cause de la teinture, de ce qu'ils utilisaient pour teindre puis pour obtenir la couleur bleue. Ça n'existait pas. Il ne peut pas écraser des bleus et se les mettre dans le visage? c'est pour ça qu'il est... Ça fait mauve, c'est pas bleu. Ouais, c'est ça. Merci, Fabien. Et le kilt. Il n'y avait pas de bleu en Écosse. Le kilt. Saviez-vous que le kilt est arrivé de la façon dont William Wallace le portait en 1800 quelque chose, donc 500 ans après? Comment vous savez tout ça, vous? Moi, c'est la recherche sur... C'est le travail, Franco. Je vous parlerai des vertus du travail. Non, parce que moi aussi, j'ai cherché, mais on ne m'a jamais parlé de tout ça. Effectivement. Alors, William Wallace ne portait certainement pas le kilt. Et tout ce qui est dans ce film-là, donc la bataille de... York? Non. L'autre d'avant? Non. Ben, je suis... Ben voyons donc, Franco. Vous nous parlez d'un film dont vous n'êtes même pas prêt. Faites ça vite, les gens quittent de plus en plus. Oui, on est en train d'abandonner. Qu'est-ce que vous voulez savoir là, sur ça? Mais moi, la seule chose que je voulais vous dire sur ça, c'est qu'à l'époque... Ouais. Je veux dire, les armes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ah, ça, c'est une belle observation. Et que, par contre, les résultats étaient exactement les mêmes. Et les méthodes étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire la trahison des nobles, des riches et la peur qu'on infligeait au peuple. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée au dernier référendum. Ben là, franchement... Quoi, vous voulez pas parler sérieusement, là? Ben oui, allez-y voir. Moi, je m'en vais, hein. Je vais à Dessine-moi un dimanche demain matin. Ou à 125 Marianne. Ou à 125 Marianne. Ouais. Là-bas, on comprend. Mais non, mais continuez d'expliquer ce que vous pensez du référendum en Écosse, parce que bon... Mais non, mais j'en ai rien à foutre du référendum en Écosse. Ce que je vous dis, c'est que les méthodes sont les mêmes. Et là, moi, vous savez comment j'aime L'Écosse. Poser des hypothèses pour réfléchir, hein, pour jongler avec des abstractions. Mais ça peut-il que les gens aient choisi le nom vraiment sans avoir eu peur? Je ne crois pas. Parce que moi, j'ai vu passer ces commentaires-là de gens de gauche même qui disaient, là, il faut faire attention, faut pas non plus... Peut-être que les gens n'étaient pas si mal, et il faut dire que l'Écosse a un statut particulier sur le plan politique, beaucoup plus libre que certaines provinces. Je reprendrai en partie les paroles de Jacques Parizeau concernant les référendums. Oui. L'argent, et le reste, on va laisser faire, parce qu'en Écosse, je crois que ce n'est pas vrai. Prenez une autre gorgée, là. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a eu un pouvoir de l'argent très, très fort. Et à l'époque, c'était exactement la même chose. Ah ouais. Les nobles, je veux dire, se sont alliés à l'Angleterre et à Édouard I. Pour ne pas perdre leurs privilèges. Pour ne pas perdre leurs privilèges. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais là, c'est exactement la même chose. Faites attention. Si, comme on dit, l'Écosse a un parlement depuis quoi? Presque 10, un peu plus que 10 ans, en fait, fin des années 90. Et ils vont avoir d'autres pouvoirs à partir... Pas sûr. Il nous a dit que c'était pas sûr. Ça reste à voir, c'est ça. Mais non, quand même. Savez-vous que j'ai quand même récolté une blague sur les Écossais, parce que je suis allé voir blague... Blague d'Écossais? Blague d'Écossais. Il y en a plusieurs. Et j'ai remarqué que les Écossais, pour les Anglais, c'est un peu comme nos newfies, les gens de Terre-Neuve, pardon, qui nous écoutent. je viens de me rendre compte qu'on est diffusé à Terre-Neuve en ce moment. On est diffusé en Écosse aussi. Vous êtes sur une bonne séquence, hein, sur les commentaires... Franchement, là. Ben, il y a vous et les Terre-Neuviens qui ne m'aiment pas. Alors, il y a plusieurs blagues d'Écossais. Donc, les Écossais sont perçus comme des gens chiches et des voleurs. Ah. Oui, c'est le fun comme ça. Alors, et aussi des buveurs, évidemment. Alors, voici ma petite blague. Je fais compétition à celle de Jean-Sébastien. Ben oui. Dans un pub en Écosse, donc, il y a une gang de chums qui prennent une bière. Le plus vieux de la gang tombe dans un baril de bière et se noie direct dedans. Alors, ses collègues vont annoncer son décès à sa mère qui leur demande « Y a-tu ben gros souffert? » »« Non, madame, sûrement pas, il est sorti trois fois pour aller pisser. » Ah, bon, tu vois. C'est bon. C'est bon. OK. Jean-Sébastien est meilleur. Ben ouais, mais Jean-Sébastien... Attendez de voir c'est quoi la blague de Jean-Sébastien. Je m'ennuie beaucoup de l'époque où on était juste une heure par semaine. Hey, savez-vous que j'avais 7 minutes pour parler d'Écosse avec Franco? Ça a tué notre show. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. Toujours l'émission des airs d'Arien, Kevin Gosselin au microphone. Vous avez été encore nombreux à répondre à notre question du jour qui était « Y a-t-il pas assez d'austérité vu qu'on a des Cadillacs de programmes sociaux? » 100% des répondants sont d'accord avec la question. Je remercie donc Steve, Marc, Sonia et Annie qui s'écrit avec trois N et un tréma sur le I. Je ne peux pas tous vous nommer en nombre. Je ne comprends pas le cinquième nom qui a répond. D'ailleurs, vous avez tous souligné comment les gauchistes capotaient pour rien avec la fermeture des conservatoires de musique. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Un conservatoire n'est pas nécessaire pour apprendre à jouer d'un instrument. J'ai un bon exemple. Mon beau-frère Chuck, qui a appris à jouer de la guitare en regardant des vidéos sur YouTube. Pas une scène de No Tax a servi à lui montrer comment faire un bémol. Mais on peut peut-être prévoir une baisse des gratuits de guitare dans l'avenir, puisque le gouvernement libéral pense également à réduire ou abolir les congés parentaux qui laissaient le temps à beaucoup de parents de prendre des vacances pour apprendre la guitare. On va poursuivre en musique avec un trompettiste qui n'a pas eu besoin d'un conservatoire pour être bon. Miles Davis, c'est la pièce Gone, Gone, Gone sur les ondes du Radio X Jazz de 91, blanc. Ah. Eh bien, c'est le moment de... Oui, les spectacles au Canada. Ben oui, tout à fait, mais avant toute chose, oui. J'aimerais qu'on profite de la présence de Fabien pour que vous pluguiez les spectacles de Fabien. Oui, alors il est en tournée à travers le Québec pour réussir son poulet du 23 septembre au 1er novembre, c'est ce que j'ai eu comme information. C'est pas fini, hein? Pour réussir un poulet à la licorne, Scott Stone, Cranbourne en tournée à partir du début octobre, là, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est le centre du Québec. Trois spectacles en même temps, c'est une convergence. Trois spectacles en même temps. Et 30 vies en même temps? Oh non, 30 vies, c'est juste une semaine. Ça. Okay. Moi, je finissais des épisodes l'année passée. Je finissais des saisons. Mais sinon, sinon aussi, il y a d'autres spectacles. Désolé, hein, mais il y a d'autres spectacles au Canada. Il y a Jerry Seinfeld ce soir qui est au Saturn Alberta Jubilee Auditorium de Calgary. Il ne reste que des billets par terre à 137 $. Donc, les amateurs d'humour trop cher seront bien servis. Chick Corea and the Vigil sera au Burton Cummings Theatre de Winnipeg. Alors, les amateurs de musique d'ascenseur fusion seront bien servis. Québec ne nous déçoit pas cette semaine avec le passage à l'amphithéâtre vide et au tronc du groupe YYZ, qui fait un spectacle hommage au groupe Rush. Il paraît que les ressemblances sont frappantes. Le chanteur a une coupe longueuil rousse, comme J.D. Lee, et le batteur a une batterie d'un demi-kilomètre de long. Et en terminant, des Unicorns seront au Metropolis dimanche soir à Montréal. Un grand retour pour ce groupe mythique, on peut le dire. Ouais, début est-ce que vous allez y aller quitter après deux chansons? Non, mais là, il y a une scène au Metropolis, je vais rester jusqu'à la fin. C'est un groupe mythique, quand même, qui était à l'époque de la Colombie-Britannique, maintenant de Montréal, et ils se battaient, eux, sur scène. C'était ça, le fun, des Unicorns. Et c'est un grand retour, et ils seront au Metropolis dimanche soir, et j'ai pensé peut-être nous offrir une petite chanson. Arrête donc. Des Unicorns, de leur premier album, la fameuse pièce I Don't Wanna Die sur ICI FM. Fred Savard, je pense qu'on a trouvé la ville où il fait 12 degrés. Ben, il y a Ida Rivard qui nous a écrit de Notre-Dame-des-Bois et il fait exactement 12 degrés Celsius. C'est la... Ça, c'est fin. C'est beau, Notre-Dame-des-Bois. C'est beau? C'est très beau, Notre-Dame-des-Bois. Oui, c'est un coin où il faut aller se promener, absolument. C'est dans quel coin? Près de Scottstown. Ouais. Village au cœur, la première réserve de ciel étoilé au monde. C'est ce que Mme Rivard nous écrit. Ben, bonjour, 12 Mme degrés, ouais. Mais c'est très gentil, ça. Ouais. Et je sais qu'il y a d'autres circulations. Écoutez, il y a tellement de gens qui nous répondent et qui nous envoient la circulation. Évidemment, c'est des messages qui datent d'une heure. Peut-être que c'est plus exactement. C'est moins pertinent de savoir que c'était bouché à 16h, par exemple. Mon Dieu, vous êtes un homme de nouvelles. En attendant, on va aller au sport avec Olivier Niquette. Ben d'abord, en Formule 1, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Pas mal ça. OK. c'est toujours ça. Non, mais vraiment, il n'y a pas... ça football pas. Universitaire, le Rouge et Or affrontait l'Université Bishop cet après-midi. Ça n'a pas été beau, ça a fini 72 à 15. Ça aussi, c'est toujours Laval. Pareil. Oui, l'Université Laval, okay. Évidemment. Sinon, l'Impact joue ce soir contre le Quake de San Jose. Ça aussi, ça va être pareil. Vous avez une prédiction? 0-0. 0-0 pour l'autre équipe. Là. Parfait. les rumeurs vont bon train quand même sur l'avenir de Marco Di Vaio. On ne sait pas trop s'il s'en retourne dans son pays, mais on a quand même des indices parce qu'il a dit, je le cite, « Je pense que je vais retourner en Italie. » Après moi, c'est un signe. Mais en attendant, l'Impact a fait l'acquisition du milieu de terrain ghanéen James Bissou. Et là, pour donner une idée de ses talents, je vais vous lire son parcours. Il a récemment évolué avec le club Accra Hearts of Hope FC, ensuite le Apoel BR Sheva FC et le Maccabi Al-Fam. Fait que là, vous le connaissez mieux. C'était le début du camp d'entraînement du Canadien cette semaine, ce qui fait qu'on parlera probablement plus du Ghana. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et on a déjà eu droit à une controverse avec la décision annoncée lundi de ne pas nommer de capitaine, mais plutôt 4 assistants. Et d'ailleurs, ça ressemble pas mal à nous ici, ça. 4 assistants, personne pour mener la barque. On voit ce que ça donne. C'est un peu le free-for-all. Ça, c'est drôle. Très, très mauvaise décision. Mais bon, Marc Bergevin veut attendre de voir quel leader va émerger et il veut laisser le temps aux jeunes de se défrayer là-dedans. Puis il y en a d'autres aussi, des bons jeunes qui poussent, puis on va voir comment eux autres aussi vont se défrayer là-dedans. Voilà, c'est dit. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est dit. Et en passant, les Rouges l'ont emporté 4-2 contre les Blancs ce matin dans un match intra-équipe qui ne veut rien dire. Et j'ai manqué ça parce que j'étais au hockey de mon fils. Je suis très, très déçu. Et en regardant tout ça, là, les matchs en concours, les experts spéculent quant à la composition de l'équipe. Et comme ce sont des spéculations basées sur pas grand-chose, je me suis dit que ce serait le fun de demander à quelqu'un qui connaît absolument pas le hockey s'il pouvait prédire des trucs lui aussi. Alors, Jean-Sébastien, selon vous, qui va percer l'alignement entre Jiří Sekák, Sven Andrighetto et Jacob Delarose? Sekák. OK. Qui sera le sixième défenseur entre Jared Tinordi, Nathan Beaulieu et Francis Bouillon? Bouillon. Une raison en particulier? C'est un nom rigolo. Parfait. Et qui sera le deuxième gardien entre Peter Budaj, Dustin Tokarski et Alex Ovechkin? Budaj. Fait que je note ça, puis on va voir dans 3 semaines si vous êtes le plus compétent que Jean Perron, mais je vous donne un indice, oui. ce n'est pas du bouillon Kraft, hein, Jean-Sébastien. Sinon, le maire Labeaume a fait visiter le nouvel amphithéâtre aux journalistes de Québec cette semaine, et les médias de la place, qui chialent toujours contre ce qui est payé avec leurs taxes, sont paradoxalement en pamoison devant cet amphithéâtre. Ils justifient ça dans leur fort intérieur par le fait que, pour une fois, le gouvernement leur paye quelque chose à eux, et non pas une maudite salle de concert de musique que personne n'écoute. Et le maire, lui, il est tellement optimiste qu'il hallucine déjà les Nordiques. Vous voyez, la forme de la patinoire est là. On est capable d'imaginer un match de hockey. Comment c'est imaginer un match de hockey ici, là? Il y a 4 spectateurs qui vont pouvoir s'asseoir au bout du banc. Ça va sentir, là, mais ça va coûter cher aussi. Surtout pour les finales de la Coupe Stanley. Alors, c'est pour ça que ça prenait 200 places ici. La Coupe Stanley, toi, chose. En tout cas, j'espère que le banc des joueurs est bien orienté pour que les 4 spectateurs qui sont assis sur le banc puissent voir les shows hommage à Rush ou Dream Theater, parce que ça risque d'être pas mal juste ça qu'il va y avoir. Mais la population n'est pas aussi pessimiste que moi, quand même. Selon un sondage du Journal de Montréal, 75% des gens de Québec croient qu'il y aura du hockey dans le nouveau Colisée qui aura coûté 200 millions à la ville. 75%? Oui, ça, c'est comme vous, Jean-Philippe, qui essayez de nous faire croire que votre nouveau iPhone, il fit dans votre poche juste parce qu'il vous a coûté une fortune. Là. Mais il est beau, par exemple. C'est un beau iPhone. Il est pas fini. Oui, l'iPhone, oui. Ouais. L'amphithéâtre, il n'est pas fini. C'est comme un Colossus. Ouais. Sinon, on termine avec la pensée du jour de Michel Baudry. Ah, s'il vous plaît. Après l'Écosse, le PQ a maintenant une fiche de 0-3, dont une défaite à l'étranger. Pas si pire. C'est assez bon. Quand même. Non, c'est un peu niaiseux. Ouais. Oui, oui. Mais merci, Olivier. C'est très gentil. Je sais que vous occupez des sports, là. Est-ce que y a des résultats pour la NFL? Demain. D'accord. Mais ça a quand même été une journée faite. Aucune arrestation pour violence conjugale dans la NFL. Ah, c'est une très bonne journée. Merci, Fred Savard. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine. Et non, ce n'est pas votre chronique, Fred, malheureusement. Ça m'étonne. Oui, c'est le bon deuxième, Fred, quand même. C'est le vu, pas vu, ce moment de l'émission où 2 personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas et où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshitter en pleine face. Alors, cette semaine, c'est la pièce Being at Home with Claude qui est à l'affiche en ce moment au TNM. C'est Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard qui l'auront vu ou pas pour nous. Hein? Et j'ajoute une difficulté cette semaine. Moi, j'ai vu la pièce hier. Fred Savard a vu la pièce hier. Oui. Franco Nouveau a vu la pièce jeudi. Vous l'avez vu, Fabien? Pas encore. OK, d'accord. Mais vous allez être jugé parti là-dedans. Alors, on commence avec Jean-Sébastien Girard. Oui. Jean-Philippe, vous le savez, j'aime beaucoup le théâtre. Hein. Je vais souvent au théâtre. Je m'ennuie parfois au théâtre. Et vous savez que l'ennui au théâtre, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est vrai. Parfois aussi, c'est un peu plus rare. Mais quand ça arrive, c'est formidable. Il y a des moments de grâce, Jean-Philippe, au théâtre. Des moments où on sent que le temps est suspendu. Des moments où on a l'impression que ce qui se passe sur scène touche au sublime. Et à mon sens, Being at Home with Claude, dans la production qu'on voit présentement au TNM, fait partie de ces moments-là. Pour vrai, Et c'est pas pour faire de l'effet, j'ai eu de la difficulté à parler au petit cocktail qu'il y avait après. J'avais pas envie de parler à personne. J'étais au balcon, j'ai eu de la difficulté à descendre l'escalier parce que les jambes étaient en train de me lâcher, Jean-Philippe. Donc... À manger du crab dinner, c'est pas ça. Non, c'est l'intensité de ce que j'ai vu sur scène, Jean-Philippe. Alors donc, Bing à ton mot Claude, créé il y a 30 ans au Catsou, adapté ensuite par Jean Bourdin en 92 avec Roy Dupuis pour le cinéma, repris à Espace Go il y a 15 ans dans une version que j'avais appréciée, mais pas tant c'était que ça. C'était avec qui? Avec Chapdelaine qui est rendu... Luc Chapdelaine, qui est rendu Géo dans un Club Med maintenant, Frédéric, voilà. Ouais. Donc, pour l'argument, on est dans les 80 dernières minutes d'un interrogatoire qui dure depuis 35 minutes maintenant. Donc, 35 heures. 35 heures, voilà. Ça oppose l'inspecteur. Hoppa! Hoppa là! Non, non, non, c'est un problème sur ma feuille. Alors, ça oppose l'inspecteur Marc Bélan et un jeune prostitué, Benoît McGuinness, qui s'accuse du meurtre de son amant qu'il aimait d'une passion complètement dévorante, exacerbée, Jean-Philippe. Donc, cette pièce-là... Vous n'arrêtez pas de me nommer c'est comme la lecture, ça? C'est la lecture, comme quelqu'un. Ben, vous êtes l'animateur. Donc, c'est un échange musclé entre les deux protagonistes au début. Et c'est surtout, et on en parle invariablement quand on parle de cette pièce-là, c'est surtout le fameux monologue à la fin où le prostitué raconte pourquoi il a tué l'amour de sa vie. Donc, c'est une pièce, Jean-Philippe, sur l'amour absolu, sur l'amour fou qui nous transcende, sur ces moments, Jean-Philippe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous voulez cristalliser le temps pour que l'amour ne périclite non. jamais. Dis non. Oui! Mais ça n'est pas encore arrivé, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Pas, Il faut mentionner ici, évidemment, la performance incroyable de Benoît McGuinness. On est presque tanné de le dire depuis 15 ans, on le dit tout le temps, c'est un génie. C'est un génie. C'est le plus grand acteur de sa génération. Mais c'est vrai, Jean-Philippe. C'est un peu chien pour Fabien Cloutier. Absolument. C'est un peu chien pour Fabien Cloutier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais il est très, très bon. Il est excellent. Il touche au sublime dans le Mais il n'est pas le meilleur de tous ceux qui ont fait ce personnage. Ah, donc, qui est meilleur que lui? Lothaire Bluteau était meilleur. Alors, ça, je l'ai pas Même vu, Roy Dupuis était meilleur. Non, Roy Dupuis Même Marc Bélan était meilleur. Pas du tout. Tout ça est faux. Olivier, vous qui avez vu la pièce. Mais attendez un peu. On va laisser terminer Jean-Sébastien parce que lui, il avait quand même préparé quelque chose de fou. Là. Je pense que c'était le communiqué. Ben c'est ça, moi, c'est effectivement ce jeu-là qui demande, qui est un pan de la dramaturgie à peu près impossible à jouer, où il livre cette partition-là, Jean-Philippe, vous l'avez vu, avec toute cette fougue, cette intelligence, la fébrilité, la sensibilité de cet acteur-là m'a complètement... jeté à terre. C'est un jalon, ce moment-là, dans la dramaturgie, dans le théâtre québécois. Voyons, non, voilà, absolument. Et si vous n'avez pas été sensible à ça, c'est que vous ne valez pas 5 scènes, Jean-Philippe. Hey! La mise en scène, signée de main de maître par Frédéric Blanchet, évidemment, une mise en scène très sobre, qui ne se place pas... Ben, de quoi? Ben oui. Ah. Qui ne se place pas en avant. Ben, on l'a vu, excuse-nous. Qui fait confiance au texte, à l'intelligence des acteurs. Une mise en scène incroyable, un décor ample et réaliste d'Olivier Lentreville. Arrêtez-le, Jean-Philippe. Environnement sonore de Yves Morin. Mais c'est, parce que c'est clair que c'est lui qui l'a vu, voyons donc. Non, vous c'est pas clair, il dit le communiqué, vous l'avez dit. Non, mais là, je fais une petite blague, mais en même temps, Olivier ne va pas au théâtre, un. Et deux, Olivier, sachant que le film est disponible gratuitement sur YouTube. Le film est disponible gratuitement sur YouTube, et à mon avis, Olivier l'a vu sur YouTube, mais allez-y, faites semblant, là, Olivier. Ben, c'est pas vrai parce que je l'ai croisé au théâtre. Moi, Pierre fait le coup, là, on triche. Bon, on sait plus qui croire. Allez-y, Olivier. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé la pièce comme Jean-Sébastien. Et aussi. Quoi? Mais non, excusez-moi, allez-y. J'ai aussi eu beaucoup de difficultés à parler au petit cocktail après, mais j'ai toujours la difficulté à parler. Par contre, j'avais rien pour comparer parce que j'ai pas vu les autres versions de la pièce. J'ai vu le film quand j'étais ado, ça fait longtemps, je me souviens juste d'une scène, je vous dis pas laquelle. Ben, il y a juste une scène dans le film. Non. Ah, okay, il y en a deux. Dans le film, le passé est superposé. Il y a des flashbacks, Sinon, les acteurs étaient très bons, c'était un beau texte. Par contre, j'ai trouvé que c'était très brun. Hein? Les décors étaient bruns, les costumes étaient bruns, la mise en scène était un peu brune aussi, pas de musique, l'éclairage assez minimaliste. C'était quand même terne. C'est quand même terne, je veux dire, c'est pas le ciel du soleil. Là. Ben non, mais tu sais, il y avait juste la petite lampe verte là, dans le coin. Là. Une petite lampe verte comme ça, là, on peut-tu acheter ça quelque part? J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Une lampe de bibliothèque? Oui. J'aime bien ça. C'est ça, Marc Bélan, on a déjà joué Yves, et je serais curieux quand même de voir comment il interpréterait ce rôle-là. Mon Dieu, on vous croit tellement pas, Olivier, ça fait mal. Voyons! Je suis assez d'accord sur le brun. Tu vois? Mais c'est une pièce jusqu'où on peut aller en amour, et c'est un thème qui touche tout le monde, et je sais que récemment, j'ai dit, en parlant de Yves Saint-Laurent, du film Yves Saint-Laurent, que les histoires d'amour... ça m'intéressait pas, mais c'est ça, justement, je l'avais pas vu, fait que je disais n'importe quoi. Ouais. J'adore ça, les histoires d'amour. Ouais. J'ai adoré ça. Et en plus, il y a comme un suspense, c'est comme un trailer policier, et policier par-dessus ça. Ça se peut pas. Si vous avez vu cette pièce-là, ben je, ouais, vous jure, je vous jure, je quitte cette émission. Christiane Charette a dit la même chose l'autre fois, ça, on revient encore à 125 Marianne. Oui? Deuxième tour, Jean-Sébastien. Est-ce que vous avez des questions à poser, Olivier, vous? Oh, mon Dieu, il fait tellement pitié. Mais Jean-Sébastien, ben, je suis d'accord avec vous. C'est pas vrai ce que je dis. Bon, voyez. Donc, les autres étaient grands, mais lui, ses 30 dernières minutes sont... il est gigantesque. Mais je sais pas pourquoi je vous parle à vous, parce que je devrais parler à Olivier. Oui, absolument. Là, vous me parlez du brun, là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu brun, hein, on va l'avouer. La pièce est un peu brune. Mais en même temps, c'est une pièce d'époque. Ça, on est dans... En 1973. Ben, c'est l'Expo. C'est 67. C'est 67, ouais. Donc c'est vrai, c'est l'Expo. Effectivement, le brun ça est à la mode. Ça n'a pas duré 7 ans, l'Expo. Hein. Non, je veux dire ça. Là. C'est vrai, il parle du pavillon du... Il parle surtout du R.I.M. puis de... OK. Ben, tu sais, un prostitué mâle là, qui s'appelle Yves, là, ça se peut pas en 2014. Fait que c'est sûr que ça date des années... OK, OK. Ouais, je serais juste curieux d'entendre ce que vous avez pensé de Marc Bellin, parce qu'on parle de Benoît Hégonis depuis tantôt, mais ouais. On peut du tout parler de la performance de Marc Bellin. Ça, est-ce ça parle. Avez, ouais, est-ce que vous avez aimé Marc Bellin, surtout au début de la pièce? Je ne sais pas si c'est comme ça chaque performance, là, mais moi, j'ai eu de la difficulté à embarquer dans Marc Bellin dès le début. Mmh. Ah, ouais. Je l'ai aimé tout le long, sauf pendant le monologue, à la fin. Quand il dormait? Ouais, quand il est même pas là. C'est ça. OK. Hey, c'est embêtant, ça. Je sais pas qui croire. Moi, je trouve, vite comme ça, Jean-Sébastien sonnait beaucoup, beaucoup. J'ai lu le communiqué de presse et je le répète. Oui, mais Jean-Sébastien... Je le restitue même. Jean-Sébastien lit nous donne toujours l'impression qu'il lit le communiqué de presse. Ouais. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Alors, je ne sais plus qui croire. Mais là, Franco, vous étiez à la première jeudi, donc vous avez rencontré un de nos deux belligérants ici. Je vous l'ai dit, Olivier. Vous avez rencontré Olivier? Ouais. Vous avez l'air d'un sale menteur. Mais en même temps, vous êtes italien. Je les connais pas, hein? Là, j'ai un message ici, l'Ombudsman Radio-Canada qui nous dit « Merci d'avoir écourté mon week-end ». Alors, je pense qu'il est en route pour le bureau. OK, on va faire un court tour de table. Alors, Fred Savard, qui, vous pensez, moi, a vu... Being at home with Claude. Moi, le tout est brun d'Olivier m'a séduit plus que le discours générique. Je trouve que Jean-Sébastien sonnait générique avec des oui, grand acteur, grand monologue. C'est facile à dire, on le sait. L'émotion avec laquelle j'ai On le sait qu'il y a un grand monologue. On le sait. Alors, ouais, c'est ça. Pas une nouveauté donc, de le dire. Comme on le sait, on va pas en parler. Non, mais vous avez pas d'autre chose sur la pièce. J'ai rien dit sur la pièce. Ben, à peu près. C'était très communiqué de presse, alors qu'Olivier, il a donné des détails, la petite lampe verte. Et là, je ne dirais pas. Je vois, c'est une critique, c'est de dire qu'il y a une petite lampe verte. Non. Attention, le vu, pas vu, c'est pas une critique, c'est de savoir qui l'a vu, qui l'a pas vu, et je pense que vous l'avez pas vu. Bon. Donc, vous pensez. Vous pas, là? Ah, je suis tanné, là. Je pense pas que je vais t'afficher quand je vois, mais dans cette émission-là. Donc, Fred, vous pensez que c'est Olivier. C'est Olivier qui l'a vu. Qui l'a vu? Ouais. Franco, ben vous. Non, vous, ça compte pas parce que vous avez vu. Non, mais je veux quand même souligner une chose. Il a décrit cette pièce et cette représentation avec beaucoup de passion, et c'est ce qui se passait là. C'est vrai, donc. Alors, s'il a lu le communiqué, il y a beaucoup d'imagination. Ah oui, hein? Il a fait l'École nationale de théâtre. Donc, Franco, vous pensez que c'est Jean-Sébastien. Fabien? Moi, je pense que c'est Olivier qui l'a vu. Mais je suis pas sûr que je lui donnerais une job de chroniqueur. C'est d'ailleurs étonnant que tu fasses la radio. Moi, je pense que c'est... je pense que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Je t'ennuie de me faire avoir. Je suis 0 en 4 dans cette patente-là. C'est bon, ça. Et je pense vraiment que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Alors, je vais faire un tour de salle, en fait. Qui... non. Applaudissez, oui. Si vous pensez que Jean-Sébastien Girard a vu Being at Home with Claude, s'il vous plaît. Oh. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. OK. Et applaudissez si vous pensez que c'est Olivier Niquette qui a vu la pièce. Les gens sont naïfs, mesdames et messieurs. Mettez-y du cœur. Qui a vu la pièce? C'est moi. Je savais! Moi, je voudrais juste dire quelque chose à Fabien qui dit « Ah, Olivier a vu la pièce, c'est sûr, j'y crois, il serait pas un bon chroniqueur. » Je suis pas allé aussi loin que ça. Non, mais... vous aimeriez ça vous faire comparer à une lampe verte, vous? Ouais, je sais bien, Mais Olivier... Mais il y a une lampe verte. Oui, c'est vrai. Sûr, mais Olivier... Je m'accroche à des depuis détails. Depuis que vous faites... Depuis que vous faites cette chronique-là, vous avez jamais rien vu. Ah oui, mais j'ai une famille. Ben merci. Écoutez, c'est déjà la fin de l'heure. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour notre invité Fabien Cloutier? Énorme. Ah, pour Fabien, très peu. C'est plus pour Franco. Oui, la première qui va comme suit. Bonjour Franco, j'aime beaucoup votre série sur les humoristes, mais je me demande pourquoi vous n'avez jamais pensé à inviter Fred Savard. Ah. On s'entend qu'il roule sa bosse depuis longtemps. Il est pas mal plus pertinent que Cathy Gauthier. Ça vient de Anne Nadeau. Il est moins de Boucherville. Ah, moins cute. Il est moins cute. C'est juste pour ça? Ah ouais? Ouais, il est moins vulgaire. Non, mais je ne fais pas de ça. Il y a ça. Une autre question, Jean-Sébastien. Oui, une autre question. Bonjour, Franco. Est-ce que celui qui a trouvé le titre de votre émission Dessine-moi un dimanche est le même qui a trouvé le titre de l'émission Médium Large? Oui. Et c'est vrai? Pas vrai? Oui. Est-ce que tu travailles encore à Radio-Canada? Non. Voilà. Mon Dieu que c'est méchant. Un autre cours. Ah là, j'ai un message ici pour Fabien Cloutier. Que penserait réellement le chum à Chabot de Franco Nouveau? Je pense qu'il l'aimerait pas. Ah non? Ah non? Pourquoi? Pas fin. Ah ben non, parce que... Ben c'est un grand frère avec des lunettes. C'est ça, ben mais ouais. Il travaille à Radio-Canada en partant. Ça le disqualifie. Ça le disqualifie ouais, ça complètement. Jean-Sébastien, avez-vous une autre question? C'est tout, malheureusement. Arrêtez donc, c'est déjà tout? Oui. Oh! Ça tombe là. Bien. Mon Dieu, quel hasard! Oui. Alors, c'est la sirène qui nous indique que c'est effectivement le moment de la blague du jour, ben oui, ben Jean-Philippe. Oui. Alors, on est en Afrique. J'espère qu'elle va être meilleure que la mienne. Hein? Oui. OK, allez-y. Alors, on est en Afrique. Ouais. Et le petit gars, il se réveille le matin. Il dit « Ah, maman, je pense que j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. J'ai eu mal au cœur cette nuit. Je pense que je couvre une gastro, quelque chose. » Sa mère a dit « Ben écoute, y a pas de problème. Ça arrive. Hein? Tu vas rester dormir à la maison. » J'ai appelé ta maîtresse d'école, évidemment, pour la prévenir. Donc, la mère appelle la maîtresse. Ça fait comment? Non, il s'appelle Nelson, le petit gars. Oh. Vous avez raté votre blague. Non, non, elle n'est pas finie. Okay. J'allais, non. Alors, elle dit, mon petit Nelson ne pourra pas venir aujourd'hui à l'école. On pense qu'il y a une petite gastro, quelque chose. Elle dit, ben, il n'y a pas de problème. Elle dit, je vais y envoyer ce devoir par un petit ami. Fait que toujours est-il que la prof arrive dans la classe, elle regarde à vue de nez le monde, elle prend les présences. Elle dit, bon, tout le monde, elle dit, à part Nelson, est-ce que tout le monde est là? C'est drôle. Non, je pense vraiment pas, t'as fait le changement. L'école n'a pas fait le c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. C'est merci, tigueuse. Fabien Cloutier. Merci. Fabien, on va voir pour réussir un poulet le 23 septembre à la Licorne. Merci, Franco. On vous écoute merci. Demain matin. Merci. À tout à l'heure. Hey, oui, c'est vrai, à tout à l'heure avec vos philosophes. Merci à toute l'équipe. Évidemment, vous connaissez. Puis demain, ben, nous, on se voit à 5 h pour une autre soirée qui sera encore jeune. Merci, tout le monde. Yeah!